Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver sur ce plateau pour cette émission toute spéciale consacrée au discours historique ce samedi 24 septembre 2022 du Premier ministre malien, le colonel Abdoulaye Maïga, à la tribune des Nations Unies dans le cadre de la 77e Assemblée générale des Nations Unies. La voix. La véritable voix de l'Afrique, une Afrique fière d'elle, s'est fait entendre ce jour. La vie est partagée dans tous les quatre coins du continent africain. Avec nos experts ce soir, nous allons tenter de décrypter cet impressionnant discours. Merci pour votre fidélité à la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média. Alors, le premier expert qui est déjà sur ce plateau, c'est pratiquement un monument de cette chaîne de télévision, de ce plateau d'Afrique Média. Alors, le président Bandakané, bonsoir. Vous êtes homme politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ben, je n'aurais pas. J'étais obligé. J'étais obligé parce que c'est un jour fondateur pour l'Afrique. C'est un jour nouveau pour les relations internationales. Nous entrons dans un nouvel âge de la diplomatie mondiale, en général et en particulier de la diplomatie africaine. J'avais l'obligation d'être là. Donc, je remplis mon devoir. Merci beaucoup, le président Bandakané, mesdames, messieurs, pour vous, remplit pratiquement son devoir. Alors, président Bandakané, nous serons ensemble, nos invités également seront avec nous à multiplex. Avant peut-être, président Bandakané, de mettre le cap sur New York, je voudrais partager avec vous ce commentaire d'un téléspectateur d'Afrique Média après juste le passage du Premier ministre malien à la tribune des Nations Unies. Alors, pour ce téléspectateur, c'est une figure de style, hein, pour les pères fondateurs du panafricanisme, là où ils sont aujourd'hui, Modibo Keïta, et même ceux qui se battent comme vous chaque jour pour le panafricanisme, ont vraiment ce jour du baume au cœur. Oui, c'est plus que le baume au cœur. C'est un jour qui marque le franchissement d'un pas décisif dans la réalisation des idéaux panafricains. Je dis bien, ça marque la réalisation, je n'ai pas dit le franchissement, la réalisation d'un pas décisif, j'allais dire le pas décisif, n'est-ce pas, de la réalisation des idéaux panafricains. Évidemment, en hommage au père fondateur, ça remonte de très loin, de très loin. C'est pas seulement Haïti, hein. C'est vrai, Haïti est une date fondamentale au niveau de ce qu'on pourrait appeler l'âge de la contemporanéité, notre combat, l'âge de la modernité. Mais ça part depuis la chute de l'Égypte antique, où nous avons perdu l'initiative historique. Ça part de là, des générations de résistants. C'est une marée de résistants, de fils dignes, certains connus, d'autres non connus, se sont battus pour que l'Afrique ne meure pas, pour qu'on n'extermine pas ce continent, pour que l'espèce humaine ne disparaisse pas. Parce que si on extermine l'Afrique, c'est l'espèce humaine qui disparaît. Parce que l'histoire a démontré que quand l'Afrique est à terre, l'espèce humaine est en danger. Donc, des dignes de générations de résistants se sont battus, des peuples, des rois, des personnalités anonymes, des peuples anonymes. Au prix de leur vie. Il y a eu des massacres. Les gens n'ont pas baissé les bras. Et ça a continué jusqu'à ce moment fondateur avec Toussaint Louverture et Dessalines, de la révolution haïtienne. Mais avant ça, la geste des gens comme Firmin, Antonin, de tous ces grands penseurs qui ont commencé par discréditer, de renverser théoriquement, n'est-ce pas, les thèses de Gobineau qui justifiaient, n'est-ce pas, l'inhumanité du noir, le fait qu'on était des animaux. Alors, Antonin Firmin, qui était un haïtien noir, a démontré dans son livre éponyme que Gobineau, c'était un malade mental. Et depuis ce moment-là, le panafricanisme a franchi une étape, jusqu'à toute l'ouverture et des salines, mais après, ça a continué avec les Black Dan, avec le Webb du Bois, avec les Marcus Garvey, avec toute cette première génération-là qui, depuis la diaspora, n'est-ce pas, a reposé les bases, n'est-ce pas, de la renaissance, n'est-ce pas, de l'homme africain et de l'homme noir en général, mais surtout de l'humanité tout entière. Ça va continuer jusqu'à la parenthèse de Nkrumah, qui est le meilleur intermédiaire entre cette génération et la nouvelle. Il y a Nkrumah, n'est-ce pas, juste à l'indépendance du Ghana. Et après, ça va continuer. Modibo Keïta, Mniobe, Wande, Moumié, Sivanous Olympio, jusqu'à Sankara, même les Nasser, le panafricanisme de Nasser était en articulation aussi avec le panafricanisme sur le continent. Les Modibo Keïta, les Kenyatta, Jomo Kenyatta, toute cette race des résistants, n'est-ce pas, qui va continuer à porter le flambeau jusqu'à nous. En passant par le professeur Abou, qui a porté au moment donné seul le flambeau du franc CFA, la lutte contre le franc CFA. Il faut lui reconnaître ça. Mais rappeler le Tchoundian premier, qui avait son livre majeur, Monnaie, Liberté, Servitude, a théorisé, a jeté les bases scientifiques, n'est-ce pas, de l'indépendance monétaire du continent, mais aussi a révélé, n'est-ce pas, dans son livre, la face cachée, n'est-ce pas, du système monétaire international, quant à ce qu'il avait appelé la répression monétaire de l'Afrique. Et maintenant, ça nous a trouvé, modestes serviteurs, nous avons repris le flambeau ici, sur cette chaîne historique. C'est là où vous avez raison. Afrique Bédia. Oui, cette chaîne historique, c'est ici. Que la nouvelle génération du combat panafricaniste est partie d'ici, à un moment terrible, où à l'Afrique, les voix s'étaient tuées. C'était un moment terrible. Il n'y a plus de voix. Il n'y a plus de voix. Le vieux Bob était fatigué. Déjà fatigué, le vieux Bob, qui était encore le dernier, parlons comme ça, le dernier Mohican de cette vague, n'est-ce pas, de cette filiation du combat panafricaniste, il était fatigué. Et on a repris le flambeau ici. Dans des conditions terribles, terribles. On a tenu, on a réveillé ça, on a porté ça, on a brisé le joug, on a cassé la malédiction. Et alors, vous pouvez comprendre notre émotion aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Cette émotion aujourd'hui, quand nous voyons, c'est pas ce discours du Premier ministre malien par intérim. On va président Badakani, on va repasser ce discours. Dites-moi, président Badakani, vous suivez ce qui se passe au Mali. Le combat du Mali n'est pas seulement le combat du peuple malien, c'est un combat de toute l'Afrique, un combat auquel vous prenez part tous les jours. Comment est-ce que vous attendiez ce discours? On l'attendait. En fait, c'était ce qu'on attendait. L'événement que les panafricanistes entendaient, c'était le discours du représentant du Mali, puisque le président Assimi Goïta, pour des raisons stratégiques, ne bouge pas beaucoup. Et c'est normal. Et on est fiers de ça. Et ça, c'est un niveau élevé de stratégie. Et nous, on attendait voir ce qu'allait dire celui qui officie aujourd'hui comme premier ministre, par intérim, certes, mais comme premier ministre. Mais qui est quelqu'un qu'on connaît. Abdoulaye Maïga, on le connaît. Il a déjà fait ça. Il a déjà signé beaucoup d'actes historiques fondamentaux en termes de sortie. Quand il parle, ce monsieur, ses discours, ses sorties entrent dans l'histoire. Donc, comme on savait que c'est lui qui allait représenter le Mali, on se dit, enfin, notre événement, c'est son discours. Mais on ne savait pas que ça allait prendre cette hauteur. On ne savait pas que ça allait prendre cette dimension. Et je peux penser aujourd'hui à tous ces panafricanistes sincères sur le continent. Il y en a même qu'on ne connaît pas, hein. Nous, on nous voit. Il y a des panafricanistes anonymes. Il y en a même qui sont dans les appareils d'État. Il y a même des chefs d'État qui sont très engagés dans cette affaire, même s'ils ne parlent pas. Il y en a. Donc, vous imaginez tous ces gens-là aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une renaissance, quelque chose de mystique, quelque chose de mystique au sens noble du mot. C'est passé aujourd'hui en Afrique. Mystique au sens où le Premier ministre par intérim, Abdoulaye Maïga, il n'est que la face visible de tout un ensemble de c'est un engendrement global du continent africain. Je dis bien engendrement, un engendrement historique qui est la manifestation d'une mutation de l'homme africain, qui est la manifestation d'une véritable naissance de l'homme africain, qui est la manifestation d'un changement de cap, d'une révolution mentale et spirituelle de l'homme africain. Alors, on va le voir là, mais l'apparence va tromper tout le monde. Ce n'est plus l'Africain qu'on a connu. Ce qu'on a fait hier sur ce continent ne sera plus jamais possible. Et il a dit que les impérialistes se retiennent pour dire, et tout à l'heure on va être dans le cœur du discours, que ceux qui ont parié, n'est-ce pas, leur prospérité sur la mort du continent africain se retiennent pour dire, c'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. C'est terminé. Ça ne se passera plus comme ça. Donc, je pense que c'est pour ça que je dis que ce jour-ci est fondateur. Un nouvel âge s'ouvre dans les relations internationales. Un âge où, désormais, l'Afrique va se présenter comme étant celle qui va dire ce qu'il faut faire. Parce qu'on a laissé à d'autres le soin de parler au nom de l'Afrique. De parler. Ils l'ont pris par la force, ils ont pris par le massacre, les génocides. Je parle de l'Occident. Quand je parle de l'Occident, je parle des États-Unis. Un empire diabolique, un État voyou, criminel, le plus criminel de l'histoire de l'humanité. Je parle de l'Union européenne, dirigée par une malade mentale, qu'on appelle Ursula von der Leyen, qui dit tout et n'importe quoi. Je parle de la France, dirigée par un petit garçon insolent, arrogant, qui à lui tout seul cristallise tout ce qu'on peut appeler comme ce qui a fait, n'est-ce pas, le désespoir de ce continent. Je parle de M. Macron, c'est l'arbin comme la Chine, Bembe, les Simplis, Zizou, toute cette engeance du traître, n'est-ce pas, qui ont raffiné la traîtrise au point où de présenter ça comme étant la défense de la démocratie, avec le sommeil de Montpellier, pour prendre seulement ce cas-là. Donc, à tous ces gens-là, ce jour-ci, c'est un avertissement solennel et clair, ça ne sera plus possible sur ce continent africain. Et ça, on sera prêt à l'imposer par tous les moyens nécessaires, comme a dit notre grand panafricaniste Malcolm X. Très bien, c'est entendu. Merci donc à vous, Président Bandakane, pour ce décor. Je vous propose immédiatement que nous partions, nous mettons le cap sur New York pour retrouver ce discours qui a été lu à la tribune des Nations Unies ce samedi 24 septembre 2022 par le Premier ministre malien, le colonel Abdoulaye Maïga. On revient pour le décryptage avec nos experts. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, mesdames et messieurs les chefs d'État et de gouvernement, monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, mesdames et messieurs, de prime abord, je voudrais m'acquitter de l'agréable devoir de vous adresser les chaleureuses salutations du peuple malien, riche de sa diversité culturelle, religieuse et ethnique, ainsi que celle de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Monsieur le Président, votre brillante élection à la présidence de cette 77e session de l'Assemblée générale et la fin des travaux de la 76e session de l'Assemblée générale, brillamment conduits par votre prédécesseur, Son Excellence Monsieur Abdullah Shahid de la République des Maldives, m'offre l'heureuse occasion d'adresser à vos Excellences les chaleureuses félicitations de tout le Mali. Enfin, permettez-moi de réitérer à notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, notre haute appréciation des efforts louables qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Nous sommes convaincus que vous êtes un ami du Mali et du Sahel. L'amitié reposant sur la sincérité, souffrez que je vous exprime mon profond désaccord suite à votre récente sortie médiatique, au cours de laquelle vous prenez position et vous vous exprimez sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens, qui est une affaire bilatérale et judiciaire entre deux pays frères. C'est évident que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas des attributions du secrétaire général des Nations Unies. Au Mali, notre administration ne travaille pas sur la base de l'oralité ni des déclarations par voie de presse. Par conséquent, nous nous en tenons scrupuleusement à la note verbale de l'AMUNISMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, référence MUNISMA bar PROT bar NV bar 226 bar 2022 du 22 juillet 2022 dans laquelle il ressort clairement qu'il n'existe pas de lien entre les 46 mercenaires et les Nations Unies. Les récentes synchronisations des actions et l'harmonisation des éléments de langage consistant à faire passer le Mali, mon pays, de statut de victime à celui de coupable dans cette affaire des mercenaires sont évidemment sans effet. Excellence, Monsieur le Secrétaire Général, votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie par certains responsables d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est sous votre couvert que nous leur adresserons des messages. À l'endroit du président en exercice de la CEDEAO, M. Umaro Sissoko Ambalo, qui affirme, je cite, « On vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui dit que ce ne sont pas des mercenaires. Moi, à la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats. Fin de citation. Je voudrais très respectueusement signifier à ce dernier qu'il existe un principe de subsidiarité, d'ailleurs au contour flou entre la CEDEAO et les Nations Unies, et non un principe de mimétisme. Également, il est important de lui préciser que le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un chef d'État et le président en exercice de la CEDEAO n'est pas un fonctionnaire. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO qu'au Mali, les autorités n'interfèrent pas dans les dossiers judiciaires et respectent l'indépendance de la justice. Donc, nous n'avons pas vocation à interpeller ou relâcher. Ceci relève de la fonction judiciaire. Aussi, M. Oumaro Sissoko Embalo doit être conscient du fait qu'il est le dépositaire d'un lourd héritage et de plusieurs sacrifices qui ont fait la renommée de cette organisation. La dynamique ayant fait la grandeur de la CEDEAO ne doit pas être brisée. Par ailleurs, nous avons pris acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali et loin d'être impressionnés par des sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des shows médiatiques servant des agendas étrangers. À l'endroit de M. Bazoum, il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ses propos injurieux pour deux raisons cumulatives. La première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres, qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. La seconde relève de l'identité de M. Bazoum, l'étranger qui se réclame du Niger. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un Nigérien, son comportement nous le reconforte totalement dans notre constat. Excellence, Monsieur le Secrétaire Général, le Mali tirera toutes les conséquences de droit de vos agissements. Devant Dieu et en leur âme et conscience, nous demandons à ceux qui refutent notre version d'indiquer s'ils accepteront que les militaires ayant dissimulé leurs identités en mettant sur leur passeport qu'ils sont peintres, maçons, etc., avec des armes, débarquent dans leur aéroport sans que le pays de destination n'ait été au préalable informé et dans le dessein funeste de déstabiliser ce pays. S'ils ne l'acceptent pas en tant qu'État, si cela n'est pas possible à Lisbonne ou ailleurs, le Mali non plus ne l'acceptera pas en tant qu'État et ce ne sera pas non plus possible à Bamako ou dans une autre localité malienne. Monsieur le Président, une nouvelle ère des solutions porteuses de changement pour relever des défis interdépendants. Thème de cette 77e session de l'Assemblée générale suscitera l'espoir de meilleurs jours pour le Mali, à la condition que le bilan sans complaisance de l'ancienne ère soit établi, que les enseignements soient tirés et que les recommandations objectives soient formulées. Une fois cet étape franchi, je ne doute pas qu'à travers notre action collective, nous réussirons à pacifier les multiples foyers de tension dans le monde, mais aussi à promouvoir un développement harmonieux et lutter efficacement contre les pandémies, la dégradation de l'environnement et le réchauffement climatique, les inégalités et les politiques de domination et de prédation des ressources. Depuis le mois d'août 2020, le Mali, mon pays, se trouve dans un processus de transition qui prendra fin le 26 mars 2024 par le transfert de pouvoir aux autorités élues. D'ici à cette échéance et conformément aux recommandations des Assises nationales de la Refondation, les autorités de la transition se sont engagées dans deux chronogrammes convenus avec la CEDEAO à faire des réformes politiques institutionnelles avant d'organiser des élections dont l'objectif ultime est de refonder l'État malien, afin qu'il réponde aux aspirations profondes et légitimes de notre peuple à la paix, à la sécurité, à la bonne gouvernance, au développement et à la stabilité institutionnelle durable au Mali. Dans cette perspective, je suis heureux de souligner que certaines avancées majeures ont déjà été réalisées notamment la promulgation de la loi électorale, qui comprend entre autres la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, dont l'installation est à un stade avancé, ainsi que la mise en place d'une commission composée d'éminentes personnalités de toutes les composantes de la société malienne, chargée de la rédaction de la nouvelle constitution. Monsieur le Président, sur un autre plan, peu de gens savent que le Mali est le seul pays au monde dans lequel se superposent et se déroulent simultanément quatre types d'insécurité. Le terrorisme, les conflits communautaires manipulés par les terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers, la criminalité transnationale organisée et les actions violentes d'individus isolés. Parallèlement à ce processus de retour à l'ordre constitutionnel, le Mali continue de mener une lutte sans merci contre les acteurs de l'insécurité, en particulier les groupes extrémistes qui sont responsables de toutes sortes d'abus contre nos paisibles populations. En ce qui concerne le Mali, je suis heureux et fier de vous annoncer que les groupes terroristes ont été sérieusement affaiblis et la peur a même changé de camp. Cependant, ces groupes criminels gardent encore et toujours une certaine capacité de nuisance dans leur tentative désespérée de porter atteinte à notre intégrité territoriale et de terroriser nos populations. Les vaillantes forces de défense et de sécurité du Mali restent déterminées à faire face à toutes les menaces d'où qu'elles viennent. Sous l'impulsion de Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, le gouvernement du Mali continue d'intensifier les efforts importants pour recruter, former, équiper et renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité maliennes. Je dois dire ici que les actions offensives menées jusque-là ont permis à nos forces de remporter des victoires décisives contre les forces obscurantistes. Elles ont également permis à l'État de reprendre pied et de réaffirmer son autorité sur une grande partie du territoire national, ainsi que de favoriser le retour de plusieurs milliers de nos compatriotes dans leur localité d'origine. Cependant, nous savons que la solution uniquement militaire ou sécuritaire a ses limites. C'est la raison pour laquelle, en appui à l'action militaire, le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée, comprenant des mesures politiques, sociales, de développement, y compris la fourniture des services sociaux de base à nos populations, durement affectées par la crise multiforme que nous traversons depuis janvier 2012, avec comme objectif la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Dans cette dynamique, le gouvernement du Mali a approuvé le 24 août dernier la stratégie nationale de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024. Cette stratégie traduit la volonté des autorités de la transition d'avoir une approche holistique de la stabilisation des régions du centre. Elle vise à faire du centre une zone stable et prospère où les communautés sont réconciliées et vivent en harmonie avec leurs voisins. Parallèlement, la mise en œuvre diligente et intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, demeure une priorité stratégique des autorités de la transition. En tant qu'instrument pacifique de résolution durable de crise que traverse le Mali dans sa partie nord, je dois dire que je suis particulièrement heureux des conclusions de la deuxième réunion de niveau décisionnel des parties à l'accord, tenue à Bamako du 1er au 5 août 2022. Cette importante réunion qui a regroupé les parties signataires et la médiation internationale a permis de lever certains obstacles afin de relancer le processus de mise en œuvre de l'accord. Poursuivant cette dynamique positive et progressive du processus de paix, la sixième réunion de haut niveau du comité de suivi de l'accord, CSA, s'est tenue à Bamako il y a à peine quelques semaines, le 2 septembre 2022. Cette session du CSA est un signal fort de la volonté des parties à s'engager dans une nouvelle dynamique en vue de parachever la mise en œuvre de l'accord. Je réaffirme ici notre attachement à ce processus, dont la réussite demeure l'une des conditions sine qua non de la stabilité durable du Mali. C'est le lieu pour moi de saluer une fois de plus le rôle actif de l'Algérie et l'accompagnement de l'équipe de médiation internationale. Je n'oublie pas ici la situation des réfugiés maliens dans les pays voisins, que je salue au passage pour leur hospitalité à l'égard des nôtres. Je n'oublie pas non plus celle de nos compatriotes déplacés internes. Je veux les rassurer que le gouvernement du Mali reste très attentif à leur situation précaire et que tous nos efforts visent à créer les conditions propices à leur retour dans la sécurité et la dignité en vue de leur participation effective à la vie de la nation. Monsieur le Président, dans sa difficile quête pour la paix, la stabilité et le développement durable, le peuple malien reste reconnaissant des efforts et des sacrifices consentis par la MINUSMA de sa création en juillet 2013 à nos jours, visant à aider le Mali à restaurer son autorité sur l'ensemble de son territoire. C'est pourquoi je tiens à rendre hommage au nom du peuple et du gouvernement malien à la mémoire de toutes les victimes maliennes comme étrangères, civiles comme militaires, tombées sur le champ d'honneur au Mali. Cela dit, il nous faut reconnaître que près de 10 ans après son établissement, les objectifs pour lesquels l'AMINUSMA a été déployé au Mali ne sont pas atteints, et ce, en dépit des nombreuses résolutions du Conseil de sécurité. C'est pourquoi le gouvernement du Mali réitère sa demande, maintes fois exprimée, d'un changement de paradigme, d'une adaptation de l'AMINUSMA à l'environnement dans lequel elle est déployée et d'une meilleure articulation de cette mission avec les autorités maliennes. Dans cette perspective, il est extrêmement important pour l'AMINUSMA de rester une force d'appui au Mali dans sa quête de stabilité. Le gouvernement du Mali dénonce les influences extérieures négatives et les tentatives d'instrumentalisation de certaines entités légalement présentes au Mali pour servir des agendas cachés, y compris à travers l'exploitation de la question des droits de l'homme aux fins de déstabilisation. Monsieur le Président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. La précision est d'autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir renié les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète, les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir renié les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète pour une dernière fois. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Obscurantisme de la junte française nostalgique de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali et mon pays. Après plus de 10 ans d'insécurité et enfin des milliers de morts, autant de réfugiés et de déplacés internes, n'est-ce pas un sacrilège de mettre une population malienne victime de l'insécurité dans un pays enclavé sous embargo pendant 7 mois en procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali. Grâce à sa résilience et à la solidarité de pays amis et des peuples africains, le peuple malien a tenu et a déjoué les pronostics de ses adversaires. Obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens, enfants d'une même famille. Enfin, obscurantisme de la junte française qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse plus d'une 50aine de fois en apportant des renseignements, des armes et munitions aux groupes terroristes. Afin de se donner une bonne conscience, la junte française accuse le Mali de n'avoir pas été reconnaissant en se gargarisant de la mort regrettable de 59 soldats français au Mali lors de diverses opérations de lutte contre le terrorisme. À cette triste accusation, nous rappelons que dans la majorité des interventions d'officiels maliens et des cérémonies, nous rendons systématiquement un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité au Mali, sans distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français décédés. Aussi, nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin et de remonter le temps, en passant par leur intervention en Libye, décriée par toute l'Afrique, sans oublier la participation forcée des milliers d'Africains à la Première et la Seconde Guerre mondiale, sans oublier la traite négrière qui explique le sort économique de beaucoup de pays. Combien d'Africains sont-ils morts pour la France et le monde libre dans lequel nous vivons? Monsieur le Président, eu égard à la gravité des faits commis par la junte française, le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays, en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien, sans autorisation des autorités maliennes, et parfois en falsifiant des documents de vol. Plus grave, Monsieur le Président, le Mali sera en mesure de prouver que la junte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Le gouvernement du Mali s'interroge sur les raisons qui poussent cet État membre du Conseil de sécurité, de surcroît assurant la présidence de cet organe, à faire obstacle au débat en vue de la manifestation de la vérité. Le monde doit être édifié sur les faits graves qui se sont déroulés au Mali et qui sont à la base de l'aggravation de l'insécurité et de la déstabilisation du Mali et du Sahel. Par la saisine du Conseil de sécurité, le gouvernement du Mali entend mettre cet important organe chargé à titre principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale face à ses responsabilités et dénoncer les agissements de la junte française contre mon pays. Ces actes hostiles sont incompatibles avec la Charte des Nations Unies et son statut de membre permanent. Il y va de la crédibilité de notre mécanisme commun, de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, mais surtout, il y va de l'intégrité de l'Organisation des Nations Unies, qui repose entre autres sur le respect des engagements internationaux, de la légalité internationale et de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, il semble opportun pour le Mali de demander votre implication personnelle auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies afin que notre demande aboutisse pour que cesse la duplicité et la guerre par procuration imposée à mon pays. Monsieur le Président, dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le gouvernement du Mali est fortement interpellé sur la question des droits de l'homme. Je tiens à souligner que les droits de l'homme constituent avant tout des valeurs qu'incarne chaque Malien. Aussi, le gouvernement du Mali reste déterminé à les respecter et à les faire respecter, conformément à sa politique de tolérance zéro contre l'impunité. Et cela par fidélité à nos valeurs ancestrales, inscrites dans la charte de Kourou-Kanfouga, proclamée en 1236 par l'empereur du Mali, Soundiata Keïta. Le Mali, berceau de grandes civilisations, héritier de grands empires, terre de brassage, d'hospitalité et de tolérance, fait de la promotion et de la défense des droits de l'homme une priorité nationale. C'est pourquoi je réaffirme avec force que les opérations militaires des forces de défense et de sécurité du Mali sont conduites dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Cependant, comme je viens de le souligner, le gouvernement du Mali s'oppose avec véhémence à l'instrumentalisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques, de positionnement, voire de chantage ou d'intimidation. De même, nous regrettons la sélectivité observée entre les droits des populations dont des villages entiers sont massacrés et rasés, qui ne suscitent presque pas d'indignation particulière, et la manipulation communicationnelle faisant passer des terroristes neutralisés sur le champ de bataille pour des civils innocents. Monsieur le Président, pour terminer, je dirais que le peuple malien a décidé de prendre son destin en main. Il soutient pleinement le gouvernement dans la refondation du Mali, ainsi que le retour à un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé en mars 2024, à l'issue d'élections libres, transparentes et crédibles. La réalisation de ces vastes chantiers exige du gouvernement de poursuivre et d'intensifier les efforts en vue de l'amélioration continue de la situation sécuritaire dans le pays et de la protection des personnes et de leurs biens. À cet égard, je me réjouis de la tenue à Lomé, le 6 septembre dernier, de la troisième réunion du groupe de suivi et de soutien à la transition. Les conclusions de cette importante rencontre, notamment la reconnaissance des progrès réalisés par la transition et les appels lancés en faveur de la mobilisation de tous les partenaires du Mali pour consolider leur appui politique, économique, technique et financier à la République du Mali, ainsi que pour soutenir les efforts des autorités de la transition du Mali en vue d'un retour harmonieux à l'ordre constitutionnel. Je voudrais rappeler que la transition au Mali résulte de plusieurs années de dysfonctionnement de notre jeune démocratie qui a engrangé quelques résultats positifs. Malheureusement, à l'heure du bilan, les passifs sont plus importants que les actifs, d'où la survenance de la transition. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, Son Excellence le Président Alassane Draman Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qu'il nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire les réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en quatre temps en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible, il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à deux. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à deux concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Dans un langage plus simplifié, et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Malgré les efforts tangibles de la transition malienne, dans la mise en œuvre des chronogrammes des réformes politiques et institutionnelles et celui des élections saluées par la communauté internationale, Madame la ministre des Affaires étrangères de la junte française, à qui le Mali n'a pourtant rien demandé, a estimé qu'il n'y avait pas eu de progrès, oubliant que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Sa position singulière et son adversité ne nous surprennent guère. Victor Hugo, dans Claude Gueux, a classé le genre humain en deux catégories, en indiquant, je cite, qu'il y a des hommes qui sont fers et des hommes qui sont aimants, fin de citation. Madame le ministre, dont il s'agit malheureusement, n'est ni fer ni aimant, elle est hideusement sui generis. Devant l'incertitude et les situations étrangères, le peuple malien adopte une attitude prudente, c'est ce que l'écrivain et le sage Amadou Ampatiba met en relief en conseillant dans l'étrange destin de Wangrin que, je cite, si observer est une qualité, savoir se taire préserve de la calamité. Fin de citation. Madame le ministre de la junte française, le Mali vous conseille de vous contenter d'observer sa situation. C'est l'occasion pour moi de saluer les relations de coopération exemplaires et fructueuses entre le Mali et la Russie, tout en réaffirmant que le Mali reste ouvert à tous les partenaires qui souhaitent l'aider à relever les défis multiples qui l'assaillent dans le respect strict de sa souveraineté, de son unité et de la dignité du peuple malien. Le Mali rappelle que, conformément à la vision du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, trois principes guident l'action publique nationale. Premier principe, le respect de la souveraineté du Mali. Deuxième principe, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali. Troisième principe, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. En application de ces principes, le Mali reste disposé à poursuivre et à renforcer ses relations de bon voisinage avec l'ensemble des pays qui l'entourent. De même, le Mali, fidèle à son engagement panafricain, continuera à œuvrer au sein des organisations sous-régionales et régionales pour la réalisation de l'intégration africaine. Également, l'atteinte des objectifs de la transition requiert l'accompagnement de l'ensemble des partenaires du Mali, y compris les Nations Unies. J'en appelle donc aux amis du Mali à rester mobilisés aux côtés du gouvernement en vue de l'aider à relever ensemble ces défis importants. Pour la grande majorité des États du monde, convaincus par le respect mutuel et le partenariat gagnant-gagnant, je leur garantis que les portes du Mali leur sont grandement ouvertes et les Maliens les accueilleront les bras ouverts. Pour la minorité qui serait tentée de ne pas respecter ces principes, nous leur promettons qu'ils feront face à des millions de Assimi Goïta soucieux de défendre leur honneur, leur dignité et leurs intérêts vitaux. Je terminerai en donnant deux conseils aux nostalgiques de la domination. Ayez le sens de l'empathie en traitant les autres comme vous voudrez être traités ou en ne faisant pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Le second conseil, revoyez vos copies, revoyez vos modèles, revoyez vos logiciels pour intégrer le changement de mentalité et l'évolution du monde dans vos grilles de lecture et d'analyse. Sortez du passé colonial et entendez la colère, la frustration, le rejet qui remonte des villes et campagnes africaines, des populations africaines, et comprenez que ce mouvement est inexorable. Grâce au principe de la multiplication fractale, vos intimidations et vos actions subversives n'ont fait que grossir le rang des Africains soucieux de préserver leur dignité. S'ils n'étaient qu'une centaine aux indépendances, aujourd'hui nous sommes des millions, et demain, tant que les paradigmes inégalitaires demeureront, nous serons des milliards. Le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. C'est à ce prix qu'une nouvelle ère sera une réalité avec des solutions porteuses de changement pour relever des défis interdépendants avec des États interdépendants et en valorisant l'homme sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de propriété, de naissance ou de toute autre situation telle que stipulée à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse le monde et préserve l'humanité entière des forces obscurantistes et destructrices du monde. Je vous remercie de votre très aimable attention. Voilà donc, retour sur ce plateau. C'était donc là le Premier ministre malien, le colonel Abdoulaye Maïga, à la tribune des Nations Unies. C'était ce samedi 24 septembre 2022. Je voudrais, avant de vous donner la parole, Président Badakani, souhaiter la bienvenue à M. Kofi Isaac qui est avec nous en Zoom. Bonsoir, monsieur, et bienvenue à vous. Merci pour l'opportunité que vous m'offrez ce soir d'être sur ce plateau avec d'éminents panélistes tels que le président Badakani et ma sœur Amina Fofana, et puis aussi sans oublier mon frère le combattant, le général du Mali, voilà, qui est à côté de moi. Et merci pour cette opportunité. Monsieur Kofi Isaac. Alors Issa Diawara, bonsoir. Est-ce que vous êtes en ligne? Bienvenue, monsieur. Oui, Issa Diawara, votre micro. Bonsoir à vous. Je salue mon frère. Bonsoir à vous. Bonsoir à mon frère Isaac Kofi. Bonsoir à notre sœur Amina Fofana. Et bonsoir à tous ceux qui sont en train de suivre Afrique Média. Merci beaucoup à vous, monsieur Diawara. Madame Fofana Amina, bonsoir à vous. Bienvenue. Micro. Okay. Oui, je l'ai ouvert. Bonsoir, mon frère Isaac Kofi. Bonsoir à mon frère général. Grâce à M. Isaac Kofi, je sais que M. Badakani est sur le plateau, mais comme je ne suis pas très en forme, je reviens d'une maladie, je ne pense pas pouvoir rester longtemps, en fait. Donc, je vous salue. Et je salue M. Badakani, je salue notre éminent journaliste, je salue le public d'Afrique Média et surtout la partie technique. Un gros bonsoir à Jérôme et à Nathan. À vous, madame, tout en vous souhaitant un très bon rétablissement. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps. Nous voulons bien commencer par recueillir votre réaction. Vous avez suivi cet après-midi le Premier ministre malien, le colonel Abdoulaye Maïga, à la tribune des Nations Unies. Madame, vos premières réactions. Réaction de fierté, une réaction... c'est-à-dire fière d'être malienne, fière d'être africaine, fière d'être enfin noire, parce qu'il a remonté les bretelles aux racistes qui ont créé ces organisations criminelles, ces outils de l'impérialisme contre le reste de l'humanité, même y compris contre la Russie, puisque c'est ça qu'on voit aujourd'hui, contre la Chine, contre tout ce qu'ils perçoivent comme une menace parce qu'ils sont dotés de ressources naturelles. Or, Dieu ne les a pas dotés de ressources naturelles, donc ils sont incapables de traiter d'égal à égal avec les gens. Il leur faut aller piller le pétrole des gens et puis fixer leur prix, les tuer, fixer leur prix en toute impunité et aussi les payer avec leur argent. Donc, ce à quoi on a assisté aujourd'hui, c'est la fin de l'hégémonie occidentale qui a été déclenchée parce que j'ai constaté durant l'Assemblée générale, un ras-le-bol général de toute l'humanité, sauf les soi-disant occidentaux qui se servent de cet outil pour détruire l'humanité, pour détruire le reste du monde. Ah oui, je suis fière du digne ministre patriote Abdoulaye Maïga. Il représente ici le digne président patriote Assimi Goïta. Je suis fière de tous les colonels, en fait. Nous sommes fiers de notre transition et aujourd'hui, quand cela passait en direct sur Afrique Média, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui ont dit qu'ils voulaient la nationalité malienne. Donc, je les salue. J'étais en commentaire. En même temps, je regardais, je suivais attentivement tout ce qu'ils disaient. Donc, je pense qu'une telle vérité n'a jamais été dite dans un endroit comme l'ONU. Vraiment, le discours, je n'ai jamais entendu un discours comme ça, venant surtout d'un pays africain, d'un Africain digne et patriote. Vous savez, on dit chez nous, que comme on dit voilà, dans notre langue, que un cabri mort n'a pas peur du couteau. Donc, de toute façon, le Mali est prêt. Le Mali a répondu soigneusement à tous les imposteurs qui se sont faits, enfin, qui ont été de la CEDEAO, qui ont été nommés par l'Occident. Le Mali les a répondu, que ce soit dans le cadre des déplacés des mercenaires ivoiriens au Mali, ou que ce soit dans le cadre de Guterres qui fait des ingérences, pensant être influent ou intimidant, ou que ce soit au niveau des donneurs de leçons comme Ouattara, qui a son troisième mandat, qui se prépare à être l'empereur carrément de la Côte d'Ivoire. Donc tout cela a été, chacun a été remis à sa place, y compris Ambalo et Bazoum, il y a longtemps. Et vous avez dit que Bazoum, ce n'est pas un Nigérien. Comme Ouattara n'est pas un Ivoirien, comme Ambalo aussi n'est pas de la Guinée-Bissau, nous le savons. Donc voilà, en gros, après il a parlé de comment évolue la transition. Et ensuite, on est arrivé au niveau de la France. Cette France qui fait tout pour qu'elle ne soit pas traînée devant les nations, le Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité. Et cette France, c'est une junte depuis le colonel de Gaulle. Oui, c'est une junte parce que de Gaulle, c'est un putschiste. De Gaulle, il a fait un putsch, il est un dictateur, il est un criminel. De Gaulle a fait 14 ans au pouvoir, mais les Français ne s'en sont pas plaints. Pourquoi? Parce qu'il était en train de sucer le sang des Africains pour les Français. Donc, à partir de ce putsch, depuis ce putsch jusqu'à aujourd'hui, la France n'a plus été un État normal. Ils sont en transition. Ce sont des putschistes. C'est une junte civile comme Bazoum est une junte civile. Tous leurs laquais comme Ambalo est une junte civile. Comme Ouattara est une junte civile, etc. Ce sont des juntes civiles, en fait. Donc, tout le monde a été remis à sa place. Et c'est pour cela que nous sommes prêts à défendre bec et ongle, de toute façon, depuis toujours, notre transition. Parce que vous avez compris dans le discours du digne Premier ministre patriote aujourd'hui qu'il n'est pas question de quitter la CEDEAO. Ce n'est pas au Mali de quitter la CEDEAO, c'est à la France de quitter la CEDEAO. C'est aux imposteurs qui sont là, qui prétendent être présidents, or ils ont été nommés par la France, c'est à eux de quitter la CEDEAO et non au Mali. Donc le Mali ne va continuer sa lutte panafricaine. On ne va pas tourner le dos au digne peuple africain entre les mains de ces sorciers. Donc ce sont des forces obscurantistes et il a aussi expliqué comment la France s'est détournée de ses valeurs. De toute façon, tout ce que la France a fait, nous avons beaucoup plus de preuves que ça. Mais on attend que le Conseil de sécurité de l'ONU soit réuni. Une fois de plus encore, je salue personnellement le digne Premier ministre patriote Abdoulaye Maïga et vraiment toute la transition malienne. Et je salue tout le peuple malien et africain. Je vous remercie. On en est fiers. Normalement à vous, donc, Madame Amina Fofana, merci encore une fois de plus. Alors, Président Bandakani, alors, depuis le début de cette 77e session des Nations Unies, on a suivi des chefs d'État défiler à la tribune des Nations Unies, mais pour beaucoup d'Africains aujourd'hui, le premier discours africain, c'était ce jour, plus que le discours de l'année. Un discours frappant, un choix extraordinaire des vocabulaires dans un timing qui traduit à suffisance la solennité et la profondeur du choix qui est celui du Mali aujourd'hui et le grand réveil qui traverse le continent africain. Alors, Président Bandakani, je vous ai vu reprendre et reprendre encore le note en suivant ce discours. Je ne sais pas combien de fois vous l'avez suivi depuis la journée. Plusieurs fois. Et pourquoi ? Je vous ai dit tout à l'heure, à l'entame de mon propos, vous me permettrez de retourner les civilités à ma sœur Amina Fofana. Je lui souhaite de retrouver sa santé très rapidement. Ce n'est pas le moment d'être malade. Et le vrai Dieu qu'a convoqué notre Premier ministre du haut de la chaire des Nations Unies, va veiller sur sa santé. Et je salue le général, mon ami le général Diawara, et Kofi. Donc, je suis très heureux de me retrouver avec eux aujourd'hui et tous ceux qui sont à ce côté, n'est-ce pas, sur Afrique Média dans le cadre de cette émission spéciale. Alors, vous me demandez combien de fois j'ai suivi le discours. Je vous dis plusieurs fois, je ne vais pas compter. Plusieurs fois. Et vous voyez, vous allez encore prendre les notes parce que plusieurs fois, quand vous réécoutez, vous réécoutez, vous réécoutez, vous n'avez pas les mêmes impressions. Vous n'avez pas la même sensation. Vous découvrez au fur et à mesure. Vous entrez dans les arcanes les plus profonds de ce discours. Et pour avoir écouté plusieurs fois, moi je vous dis qu'en fait aujourd'hui, on a écouté le porte-parole de l'humanité. Même pas de l'Afrique. On a écouté le porte-parole de l'humanité. Les choses doivent être claires désormais. Ce combat, c'est l'affrontement des humains et des non-humains. Le monde est désormais divisé en deux camps, pas plus. Le reste, ce sont des sous-camps ou des sous-sous-camps. Le conflit fondamental est désormais l'opposition entre les humains et les non-humains. Pour preuve, regardez son mot de fin. Il a convoqué Dieu, le vrai Dieu. Quand quelqu'un convoque Dieu de cette manière, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse l'humanité. L'humanité. Je ne sais pas si vous avez entendu cette référence-là dans plusieurs autres discours. Pas vraiment. Il n'y a pas de hasard. Donc, Dieu a parlé à travers un homme. On ne voit pas Dieu. C'est à travers les hommes qu'on voit Dieu. Dieu vient de parler à un homme. Et c'est le vrai Dieu parce que, qui a parlé parce que le contenu de ce discours est récapitulateur de la problématique de l'humanité en ce début du XXIe siècle. Dans ce discours, c'est l'humanité qui a été résumée. C'est le sort des nations et des humains qui a été résumé dans ce discours. Monsieur Maïga a été le porte-parole de tous les peuples opprimés de la terre. Et qui sont opprimés par qui? Par la voyoucratie internationale. La pègre internationale qui se fait appeler communauté internationale. C'est-à-dire la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Union européenne et leurs assimilés. Et l'ONU, ce cadre-là qui a été écrit sans les peuples de la terre, qui a été écrit par une clique, par une oligarchie, parlant en son nom. Je sais que de nos amis russes et souvent chinois sont souvent gênés qu'on les ramasse tous quand on parle de du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais ils savent qu'ils sont... C'est pas, nous, on ne parle pas d'eux. Parce que nous connaissons l'histoire du Conseil de sécurité et des Nations Unies. Je sais, récemment encore, notre ami le président Poutine croit en l'ONU. Il croit, n'est-ce pas, à l'ONU comme étant le réceptacle des aspirations multipluralistes de l'humanité. Et quand il compare l'ONU à la Société des Nations, il dit vaut mieux encore cette ONU, ce Conseil de sécurité, qu'une Société des Nations qui va être la tribune de bavardage, qui ne peut rien faire. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est morte. Mais aujourd'hui, avec l'opération spéciale en Ukraine, la Russie et le président Poutine ont constaté que cette ONU-ci ne peut pas être le lieu de rencontre des peuples de la Terre. C'est une affaire qui a été écrite par des criminels, par ceux qui ont inventé l'esclavage et qui l'ont appliqué aux peuples africains, par ceux qui ont inventé le colonialisme, qui ont inventé le néocolonialisme et finalement ont créé l'impérialisme et qui, en récapitulant tous ces satanismes, ont inventé le système le plus inhumain que l'histoire de l'humanité ait connu. Sugar Maga était le porte-parole de l'humanité, c'est-à-dire celle qui gît, celle qui pleure, celle qui crie, celle dont l'humanité est niée, mon cher ami. C'est de cela qu'il s'agit. Et tout son discours a été la récapitulation de toute cette histoire-là. C'est pour ça que j'ai dit, il était ce soir, nous avons entendu le porte-parole de l'humanité. Dieu a parlé à travers un homme, mon cher ami. Ce discours, donc, avait une portée géopolitiquement globale. Mais il était aussi fondateur pour l'Afrique et les Africains. Alors sa portée géopolitiquement globale est claire. Depuis le début, n'est-ce pas, on a vu dans le discours, monsieur le Premier ministre, porte-parole de l'humanité, dénoncer la volonté d'un hégémon maléfique. L'hégémon maléfique dont il est question ici, c'est l'Occident. C'est l'Occident. Ah ben, il n'y a pas mal de... C'est terminé cette affaire, l'angle de bois est terminé, c'est fini. un hégémon maléfique qui s'est inscrit depuis son avènement comme puissance historique, comme étant l'horizon indépassable de l'humanité, comme étant le maître des destinées des nations et des peuples. C'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que l'Occident s'est arrogé le droit, par la force et la violence, la violence la plus absolue, de dire qu'il est humain et qu'il ne l'est pas, de dire qu'il est une nation et qu'il ne l'est pas, de dire qu'il est un peuple et qu'il ne l'est pas. Et ça, par la violence, les génocides, les massacres, le vol, le pillage et la destruction. C'est de cela qu'il s'agit. C'est cet hégémon donc maléfique que le Premier ministre a dénoncé aujourd'hui. Ça, c'est la dimension globale. Et dans son mot de clôture, dans la phase de clôture de son discours, regardez ce qu'il a convoqué. La domination, la volonté de dominer, l'ordre de la prédation des ressources. Il leur a dit de revoir leur copie, de revoir leur logiciel. Il leur a dit de revoir leur modèle aussi. Leur modèle. Et il a posé les bases du monde nouveau. Il a dit que le prix à payer pour l'avènement d'un monde nouveau, c'est de sortir du carcan de la diplomatie, de l'hypocrisie qui a longtemps régné sur le monde. Qui fait que une victime doit adorer son bourreau. Une victime, quand il parle à son bourreau, ne doit pas dire ce qu'il fait de mal. Doit magnifier son bourreau. Et on appelait ça diplomatie. C'est la relation qui nous lie à l'Occident criminel depuis des siècles. C'est la relation qui nous lie aux valets de l'Occident depuis des siècles. Même en Afrique, entre nous, cette relation qui nous lie. C'est pour ça que M. Ouattara peut être encore pouvoir jusqu'aujourd'hui. Parce qu'on était dans le carcan de l'hypocrisie diplomatique. Tout le monde sait que c'est un voyou, que ce n'est pas un président ça. Mais le carcan de l'hypocrisie diplomatique nous a amené à oser appeler M. Ouattara président. Et on a supplié d'avoir les emballots, d'avoir les bazooms, d'avoir tous ces gens-là qu'on appelle président et qui sont des criminels, des traîtres du continent. C'est parce qu'on l'a cédé à partir de ce moment-là, mon cher ami. On l'a cédé à partir de ce moment-là. Donc, ce monsieur le Premier ministre nous dit que la nouvelle ère passe par deux conditions fondamentales qu'il a posées. Je suis encore au niveau du caractère géopolitiquement global de son discours. C'était pas n'importe quel discours. Il est profondément historique. Parce que tous les opprimés de la terre se reconnaissent dans ce discours. C'est même pas seulement les Africains. Même s'il est fondateur pour nous. Il dit ceci, il dit, premièrement, si nous, ils vont répondre coup par coup, c'est-à-dire que vous nous insultez, nous on vous insulte. Vous tirez mal contre nous, nous allons tirer également mal contre vous. Là, ça veut dire quoi? Sortir du carcan de l'hypocrisie diplomatique. C'est ce que ça veut dire, remplacer l'hypocrisie diplomatique par la vérité diplomatique. Parce que le bilan de l'hypocrisie diplomatique va conduire l'humanité à sa perte. C'est ça aujourd'hui le bilan. Depuis des années qu'on fait ça, on est où? L'Afrique est menacée de disparition. Voilà le Sahel qui brûle et est utilisé comme base pour coloniser le continent africain de nouveau. Voilà le Sahel où on est allé inventer, on a crié, on a entretenu, on a habillé les terroristes. Et nous, parce qu'il y a le carcan de la diplomatie mondiale, il ne faut pas énerver un diplomate européen. Il ne faut pas attaquer les puissances. On ne parle pas fort aux Américains. On ne parle pas fort à l'Union européenne. Ce sont des partenaires. Quel partenaire? Et c'est ça qui nous a conduit où on est. Un pays comme le Mali qui a failli disparaître. Le Burkina Faso brûle. Tous les pays africains brûlent. Au Cameroun, mon pays, là-bas, il y a le feu partout. Dans les frontières du Nord. Dans les frontières là-bas, au Nord-Ouest et au Sud-Ouest. Ça brûle. Pourquoi? Parce que pendant des années, on nous a interdit. Il ne faut pas appeler chat-chat. Il faut qu'on adore le bourreau. Il ne faut pas le froisser. C'est ce carcan que le Premier ministre vient de briser en amenant dans ce cercle-là, dans ce temple de la diplomatie mondiale, le langage de la vérité. Que nous, on déroule depuis 10 ans, plus de 10 ans ici, sur ce plateau. Le Premier ministre a transporté ça, il a amené ça là-bas, mon cher ami, pour mettre fin à la vieille ère. Deuxième condition. Il a dit ça. Il faut un bilan sans complaisance de la vieille ère de domination et de prédation de ressources. Et qui est le patron de cette vieille ère? Le vieux monde de la incarné par qui? Les Occidentaux. Avec devant l'Amérique qui vient encore d'insulter l'humanité en votant une des lois les plus criminelles de l'histoire de l'humanité qui nous interdit de faire des transactions avec qui on veut. Et on va nous dire de ne pas insulter Joe Biden, de ne pas dire qui il est, de ne pas l'appeler criminel. Parce qu'un pays qui ose voter une telle loi, en plein début du XXIe siècle, n'est pas de l'humanité. Il est hors de l'humanité, monsieur. Et sans ce Premier ministre aujourd'hui, on va continuer encore à nous dire, oh, écoutez, il y a les contraintes diplomatiques. Vraiment, il ne faut pas énerver. Oh non, il faut se calmer. Il faut savoir garder son sang-froid jusqu'à mourir. Mon cher ami, il y a un niveau où vous gardez votre sang-froid, vos nerfs vont exploser. Parce que vos nerfs n'arrivent plus à contenir la tension d'hypocrisie qui vous détruit à l'intérieur, qui vous ronge. Parce qu'on vous dit, vous voyez que quelqu'un est en train de piller vos ressources, de violer vos enfants, de tuer. Et on vous demande de vous taire. Non, de dire qu'il est bon. De dire qu'il est gentil. Au nom de la diplomatie. C'est fini. Donc, un nouvel âge de la diplomatie mondiale a été ouvert aujourd'hui. Le langage de la vérité est entré dans les relations internationales. Ah oui, le langage de la vérité est entré dans les relations internationales. Voilà pourquoi je vous dis que c'est Dieu qui a parlé aujourd'hui, le vrai Dieu, à travers un homme. D'accord. Pas à travers un prêtre. Pas à travers les pasteurs, avec leur soutane, d'hypocrites. Pas tous, évidemment. Pas à travers les religieux. Pas à travers tous ces gens-là qui longtemps ont revêtu des habits, des soutans pour faire croire qu'ils parlaient au nom du vrai Dieu et qui étaient les architectes de l'injustice, du faux, du crime et des génocides. Dieu a parlé à travers un homme, parce que la vérité, c'est Dieu. Donc, ça, c'est mon premier jet parce que je reviendrai sur les cas particuliers du secrétaire général. Très bien. Le cas particulier de M. Ouattara, de M. Bazoum, si on peut les appeler, monsieur, bref, de la France, remise à sa place. Avec le nom, qui est le seul nom que l'État français mérite. Une junte criminelle. Et moi, j'ajoute ça. Très bien. Une junte criminelle. D'accord. Merci donc à vous, Président Badakhanir, pour ce premier jet. On va vous retrouver le temps de redonner la parole à Isaac Kofir. Monsieur, merci une fois de plus d'être avec nous. Vous avez suivi cet après-midi le Premier ministre, le colonel Abdoulaye Maiga, le Premier ministre du Mali. Dites-moi, cher monsieur, comment est-ce que vous avez trouvé le Premier ministre malien à la tribune des Nations Unies? Pardon, je vous appelle Aboulaye, c'est monsieur Aboubakar. Bon, aujourd'hui, ces noms-là, en fait, font une fierté de l'Afrique. Donc, ne le prenez pas mal. En effet, le discours du colonel Abdoulaye Maiga, il y a eu tous les qualificatifs qui ont été utilisés pour le désigner. Mémorable, historique, clair, concis, précis, les adjectifs qualificatifs, il n'y en a presque plus dans le dictionnaire pour qualifier, pour désigner ce discours. Le discours a été clair, précis et limpide. En 30 minutes, il a fait, je peux dire, la genèse des crises que nous avons en Afrique, les mots qui minent ce monde. Il a parlé même du réchauffement climatique, peut-être qu'on n'en a pas assez parlé, mais vous savez, c'est cela qu'on utilise souvent pour nous attaquer en Afrique. Mais restons sur le volet géopolitique et le volet aussi diplomatique et militaire. En effet, il a distribué les cartes à tout le monde. D'abord à M. Bazoum, à Alassane Dramane Ouattara, à Oumarou Sissoko Embalo, à la France, la qualifiée de junte française, et je suis entièrement d'accord, car nous sommes sous la Ve République. Mais comment est-ce que cette Ve République s'est constituée? C'est une république issue de la Deuxième Guerre mondiale où un président, le maréchal Pétain, a été renversé, arrêté, emprisonné et il était sur le point d'être exécuté. Le premier ministre Laval aussi a été exécuté. Le général de Gaulle s'est installé avec ceux qui ont combattu avec lui, et certains dans le maquis, tels que le fameux Foucault, qui après a été un des instruments pour détruire l'Afrique tout entière. Alors, depuis qu'ils sont installés, ils reviennent encore en 1958, c'est une junte. Il n'y a pas eu de 6e République. Si la France voulait sortir de cela, il faut une 6e République où on voit réellement une démocratie émerger. D'ailleurs, on le voit en France, les manifestations tous les jours, des populations dans les rues qui réclament des réformes parce que le président a trop de pouvoir. Et il est comme plus qu'un militaire qui a pris le pouvoir par les armes et qui instaure une dictature. En France aujourd'hui, c'est une dictature d'une minorité contre la majorité. Le peuple français souffre au même titre que les peuples africains. Mais ça, c'est un autre débat. Pour revenir au discours du président, du premier ministre Maiga, il a parlé de M. Bazoum. Mais M. Bazoum, peut-être que beaucoup d'Africains ne le savent pas, c'est un Libyen, il n'est pas Nigérien. C'est un Libyen qui a été installé à la tête du Niger, parce que lorsque vous êtes étranger à un pays, mais vous n'avez pas réellement de l'amour pour ces gens parce que vous ne les connaissez pas. Vous n'avez, excusez-moi l'expression, rien à cirer s'ils venaient à mourir, s'ils vivaient bien ou ceci ou cela. Vous n'avez pas de lien affectif avec ces populations. Et c'est ce qu'on voit avec M. Bazoum au Niger. M. Bazoum est là pour préserver les intérêts de la France, les intérêts des Occidentaux, surtout avec l'uranium, parce que dans très peu de jours, on ne même pas dit des mois, des jours, nous passons au mois d'octobre, novembre, il va faire très froid ici en Europe, on aura besoin de réactiver les centrales nucléaires qui avaient été tous fermées pour dire, bon, ça, les terroristes peuvent utiliser cela pour nous faire du mal. Mais on doit revenir au nucléaire parce que la Russie vient de fermer le gaz. Le gaz ne va plus arriver en Europe. C'est pour cela, d'ailleurs, que M. Macron était en Algérie. Et je rappelle aussi au passage que la France a volé 19 000 tonnes de gaz à la Côte d'Ivoire pour les peuples français, pendant que nous, en Côte d'Ivoire, les prix augmentent et nous souffrons. C'est un autre débat aussi. Vous savez, si on veut parler de tous ces problèmes, on passera des jours, mais on n'en finira pas. Alors, parlant du Niger, voici ce que M. Bazoum est en train de faire. Il est en train de faire de ce pays une base pour attaquer le Mali, qui a osé dire non à la France. Nous ne pouvons pas continuer cela. Le Mali, aujourd'hui, a le même discours que Sékou Touré en 1958 face à la junte française du général de Gaulle. Aujourd'hui, c'est Assimi Goïta, c'est les cinq colonels de Bamako qui parlent au nom de tous les Africains. Et ça, j'en suis très fier. Il faut aussi le relever. Parlant de la Côte d'Ivoire, il a bien sûr utilisé l'analogie de la dromadaire et du chameau. C'est une analogie qui est beaucoup utilisée dans le monde arabe. C'est très, très important. Donc, il fait un clin d'œil aussi au monde arabe, parlant de M. Alassane Dramane Ouattara, qui se moque des putschistes, qui invecte des putschistes, mais lui-même, il est plus putschiste. C'est lui qui a fait un coup d'État, qui a tué plus de gens. Il y a eu plus de gens morts en Côte d'Ivoire dans le coup d'État constitutionnel d'Alassane Dramane Ouattara que de gens morts au Mali. Il n'y a même pas eu quelqu'un qui a été, je peux dire, blessé parce que la population réclamait cela. La population réclamait un changement pour que les militaires aient les moyens nécessaires pour défendre la patrie, pour aller lutter contre les terroristes. Alassane Dramane Ouattara a exilé 40 000 Ivoiriens actuellement où je vous parle au Libéria. Il y a plus de 30 000 qui sont au Ghana et des dizaines de milliers d'autres au Togo, au Bénin. En France, vous avez des Ivoiriens en Libye, au Niger même. Vous avez aussi des Ivoiriens en Algérie, au Maroc. Beaucoup sont morts la dernière fois. Mais tout cela, ça ne lui dit absolument rien. Et les médias pyromanes, les médias et au service de l'impérialisme, les médias français qui le soutiennent, ils n'en parlent presque pas. Alors, M. Ouattara, qui est-il pour donner des leçons à d'autres pays? Et aujourd'hui, il cherche par tous les moyens un prétexte pour s'attaquer au Mali, pour s'attaquer à ceux qui ont osé dire non à la France. Et les peuples africains, pas le peuple. Oh, nous sommes tous une entité, mais il y a des peuples, les peuples africains, du nord au sud, que ce soit même dans le monde arabe, que ce soit en Afrique de l'Ouest, de l'Est, du centre, du sud, nous sommes tous aujourd'hui engagés avec le peuple malien. Ce discours du colonel Maïga restera dans les annales, ça sera étudié dans les écoles, dans les universités et même au-delà, parce que c'est une nouvelle ère qui est en train de se lever sur l'Afrique. Les Africains, les jeunesses surtout, ont compris qu'il faut se battre, qu'il ne faut pas avoir peur de dire la vérité. Assez d'avoir baissé la tête. Maintenant, nous allons marcher la tête haute. Lorsque nous allons croiser un Européen sur les passages, on ne va plus se mettre de côté pour le laisser passer. Lorsqu'un Français vient chez nous pour poser des actes qui sont contre notre dignité, nous allons l'affronter. Nous allons lui demander des comptes. Et je suis très fier de ce discours. Tous les Africains aujourd'hui sont fiers. Et nous allons maintenant lever la tête. Des millions de personnes qui vont lever la tête, nous aurons cette dignité. Monsieur Isaac Kofi, j'imagine aussi, c'est aussi la même fierté de côté de Monsieur Diawara. Alors, Issa Diawara, bonsoir à vous. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau, très cher monsieur. Comment est-ce que vous avez trouvé le Premier ministre malien cet après-midi à la tribune des Nations Unies? Ok, merci une fois de plus. Ce discours, en fait, pour moi, c'est d'abord salutaire, c'est pour moi, c'est d'abord un couronnement de tout le travail aussi abattu par Afrique Média. Parce que j'ai retrouvé beaucoup de propos dits sur Afrique Média dans ce discours, effectivement. Ça montre, en tout cas, j'ai compris que ce sont des autorités qui sont très, très proches des peuples d'Afrique. Donc, en réalité, ça montre qu'il y a, il y a une synchronie, il y a une connexion, bien sûr, entre les aspirations des peuples africains et aujourd'hui, ces jeunes dirigeants à la tête du Mali. Ça montre que ce sont des jeunes qui comprennent les besoins exprimés par les peuples africains. Ce sont des jeunes qui attendent surtout, les cris, en tout cas, et portés par les Africains à travers l'un des rares médias que nous avons en Afrique, un média panafricain, qui est bien sûr Afrique Média. Donc, il faut saluer tous ceux qui sont au niveau des commentaires, au niveau d'Afrique Média. Il faut saluer tous ceux qui interviennent. Il faut saluer le Cameroun de nous avoir permis d'avoir cette chaîne de télévision qui nous permet en réalité de parler des problèmes africains. Si on pouvait en avoir 5-10, je vous dis, cette guerre de communication que Macron a déclarée, ça allait vite tomber dans la poubelle. Même si nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de Noirs qui font cette communication de Macron à se cacher derrière des fausses pages. Ensuite, en deuxième lieu, il faut saluer aussi le discours de Robert Dussey, le ministre togolais des Affaires étrangères, qui a d'abord eu aussi un discours panafricain, un bon discours. Je profite pour saluer les doyens, l'expérimenté, le président Bandakani qui est au plateau, que je n'avais pas vu très tôt. Et ensuite, maintenant, ce que je retiens de ce discours, pour moi, c'est un discours en trois étapes. Première étape, il s'agissait d'abord de répondre à tous ceux qui s'attaquent au Mali et à l'Afrique, et surtout au combat porté par les panafricains. À commencer par M. Antonio Guterres, qui n'est pas un chef d'État. Voilà. Donc, à commencer par lui. Ensuite, la CEDEAO, qui en réalité n'est pas un démembrement dans les textes de l'ONU. Donc, on ne comprend pas pourquoi M. Ambalo dit oui, le secrétaire général de l'ONU a parlé. Donc, lui, son père a parlé. Mais c'est quoi cette histoire? Nous avons mis en place la CEDEAO, la communauté sous-régionale, pour des intérêts, bien sûr, de la sous-région, pas pour dire que Antonio Guterres a dit ceci. Ça n'a pas de sens, ça montre que ces jeunes-là, Ambalo ou Maurice Sissoko, et les jeunes ou quoi, je ne sais pas, il doit en tout cas être formé. Il a besoin d'un cours de diplomatie. Et ensuite, en troisième lieu, c'est que j'ai retenu le discours, le président Bandakani a eu à le dire, ce n'est pas qu'un discours au nom du Mali, mais il a fait un discours au nom de tous les peuples aujourd'hui assoiffés de la liberté. Donc vous allez remarquer que dans les discours, on n'a pas que parlé du Mali. C'est pourquoi, quand j'ai dit le discours en trois parties, première partie, c'est répondre à ces clashs de ces gens-là. Deuxième partie, il a présenté les progrès réalisés par la transition du Mali. Et ensuite, il a réitéré que bien sûr, il y aura une élection en mars 2024. C'est important de le souligner. Et ensuite, en troisième lieu, il était question, il a pris la phrase carrément à part entière. Parce que n'oubliez pas, si vous analysez bien le discours, le temps de parole, c'est le même, à peu près le même temps de parole qu'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a fait à peu près 30 à 35 minutes de communication et c'est la même chose que le colonel Ablaye Maïga a fait. Donc, une façon de répondre sur tous ces discours, c'est une réponse directe à Emmanuel Macron et bien sûr à ceux qui sont derrière lui. Donc, il a eu le même temps, à peu près le même temps de parole qu'Emmanuel Macron. Donc, les mots ont été très bien choisis et les mots sont à leur place. Et ensuite, en quatrième lieu, je pense, même ceux qui combattent aujourd'hui, ceux qui s'apprennent à ces discours parce que ça a contribué à verser un peu, en tout cas, leur sauce, c'est-à-dire ça a contribué à rendre un peu, en tout cas, à diminuer le sel de leur marmite. On comprend parce qu'ils mangent, en tout cas, chez Ouattara ou bien chez Bazouk, mais ils savent que ce discours-là est même à leur nom aussi. Parce que quand on parle de l'Afrique, bien sûr, on comprend que ce sont des nègres de maison, ce sont des gens qui passent à côté de l'histoire, ce sont des gens qui, je ne sais pas, 200 ans après, 300 ans après, leurs descendants auront honte. Ça, c'est très clair. Mais aujourd'hui, si on doit libérer l'Afrique, il s'agit de les libérer, de les sortir aussi de cette situation qui font des mendiants politiques, qui font des moutons de M. Ouattara de Bazoum, qui font des microbes de M. Ouattara, qui partent aller agresser des paisibles citoyens au nom de M. Ouattara, tout simplement parce que les conditions n'ont pas été créées pour qu'en réalité, ils puissent bénéficier des fruits de leur travail. Donc, ils ont été transformés en microbes et en moutons. Effectivement, le colonel Ablaye Maïga a parlé à leur nom, il a parlé au nom de tous les Africains. Donc, je vous dis, quand on a chaque fois dit de faire confiance aux cinq colonels, Ablaye Maïga est le cadet des cinq colonels. Il ne fait pas partie des cinq. Il est le sixième colonel de Rimafa. Donc, on va élargir ça aussi colonel. Il y a d'autres colonels comme ça. Ils sont nombreux, ces colonels qui sont en train de mouiller les maillots à l'ombre, et encore qui ne sont pas encore découverts, et encore devant le grand public. Et ensuite, je dirais, quand il a parlé de riposte, le président Bandakani l'a dit, et d'ailleurs, c'est l'ordre que nous donnons même aux panafricains. Dorénavant, quand ces gens-là vous attaquent, il faut les attaquer. Soyez virulents, soyez à leur hauteur. Ne sortez de ces notions de politesse, de courtoisie qui fait qu'en réalité, des vauriens, des égarés puissent avoir des mots sur vous. Nous avons la vérité de notre côté. La vérité doit être à mesure de manger, de consommer les mensonges à l'état cru. Donc sortons de certaines postures. Macron a dit qu'il sera agressif dans la communication. Nous aussi, dorénavant, nous serons très agressifs. Et c'est un ordre qui est donné aux panafricains. On dit de riposter dorénavant. À chaque fois, la réciprocité sera appliquée à tous les niveaux. On ne va pas faire cadeau. Et ensuite, en septième position, c'est que je vais dire, puisque Macron nous traite chaque fois de gens, dorénavant, il y a deux types de gens. Il y a une gens qui est positive, qui travaille pour le bien-être de ce peuple, et il y a une gens qui est très négative, qui est très cruelle, qui est dirigée par cette petite France qui veut faire coloniser toute l'Afrique, qui veut régner sur toute l'Afrique, sur plus de 14 pays africains. Pour que l'enfant français consomme bien le chocolat, il faut que la jeune française continue de nous terroriser. On dit ça suffit. Ça suffit, ça ne va pas continuer longtemps. Et donc, dorénavant, et c'est comme il y a deux types de coups d'État. Ce que la France appelle coup d'État, j'ai dit pour nous, Africains, ce n'est pas des coups d'État, ce sont des saluts d'État. Parce que ça nous permet, nous, Africains, de nous épanouir. Ni le peut accuser Thomas Sankara de coup d'État, ou bien colonel Kadhafi de coup d'État, parce que ce sont des prises de pouvoir qui ont fait du bien aux peuples africains, ce sont des révolutions. Si la France appelle ce qu'elle a fait en 1789 comme la révolution française, mais bien sûr qu'elle respecte ce que le peuple malien a fait en 2020. En 1789, le peuple français a fait tuer un roi qui a dit qu'il faut mettre fin à l'esclavage. Mais ils appellent ça une révolution. Et quand nous prenons le pouvoir pour le bien-être de nos peuples, il dit que c'est un coup d'État illégitime, c'est gentil, donc dorénavant, c'est en notre faveur. Et ceux qui roulent pour la France sont illégitimes, ils sont dans le coup d'État, et il a bien fait de rappeler le rôle, le Neymar d'Abidjan dorénavant, comme il est surnommé, le Neymar d'Abidjan qui est en train de se dribbler. Et en huitième lieu de mon intervention, en réalité, en disant que Bazoum est un étranger, et qu'on ne répond pas pour des raisons, pour des valeurs culturelles d'Afrique. Mais en fait, Bazoum est un peu comme Ouattara. C'est un peu ce que la France fait, c'est un peu comme les États-Unis. Vous savez que ceux qui règnent aux États-Unis sont des Européens, ce ne sont pas des Américains de souche. Les Américains de souche, les Amérindiens l'ont été poussés dans la forêt. Professeur Bandakani pourrait revenir là-dessus. Les vrais Américains ont été délogés au profit de ces étrangers qui sont des Européens, qui aujourd'hui ont pris le contrôle des États-Unis. Donc l'Europe, les États-Unis, effectivement, c'est le même peuple. Donc, ils veulent nous imposer, nous, au reste du monde. Parce qu'avant que ces gens-là n'attendent l'esclavage et la colonisation, qui étaient-ils? Ils étaient des barbares. Entre eux, ils se mangeaient entre eux. Il ne faut jamais l'oublier. Ils étaient des vampires. Donc, ce sont des barbares qui se sont mis ensemble pour maintenant imposer leur barbarie au reste du monde. Et aujourd'hui, le reste du monde est en train de s'élever. Nous disons non, ça suffit. Je termine bientôt. Et discours. Le discours que ce jeune colonel Haï, en réalité, ce discours-là devait être fait par Macky Sall, qui se dit président de l'Union africaine, qui se dit aîné des jeunes autorités, en tout cas de ces jeunes à la tête aujourd'hui du Mali. Macky Sall, ça devait être son discours, au lieu d'aller mendier un siège permanent à l'ONU. Et c'est l'Afrique qui a besoin d'un siège permanent. Les sièges, on ne mendie pas ça, ça s'arrache. Nous, on a besoin de 3 sièges permanents. Au nom de quoi l'ONU et l'Europe, la petite Europe, à 2 sièges permanents, la France et la Grande-Bretagne. Et nous, Grande Afrique, on doit mendier un siège au niveau de l'ONU, au nom de quoi? Mais pourquoi nous, on ne va pas créer ONU parallèle? Nous sommes suffisamment forts, on a toutes les ressources, il suffit d'une volonté. Qu'est-ce qui empêche Macky Sall ce soir de prendre le téléphone, appeler son jeune frère Goïta? Goïta, nous, on n'avait pas eu ce courage, vous avez ce courage, dorénavant, nous sommes avec vous. Qu'est-ce qui empêche les autres vieux vétérans de l'école française de le faire? Qu'est-ce qui les empêche? Ils peuvent sortir par la grande porte, ils vont continuer à faire la courbette jusqu'à quand? Ils vont continuer à se faire ridiculiser jusqu'à quand? Le dernier point de mon intervention, bien sûr, Il faut se projeter dans tout ça. Ce discours, c'est bien, mais nous perdons jamais de vue ce que nous voulons. En réalité, l'Afrique redevient africaine en 2024-2025. Je l'ai dit, 2024, il y a cette élection au Mali. Les panafricains gardent le Mali. La Guinée qui a déjà rejoint le Mali. Il y a une élection 2024-2025 à Guinée, même chose. Burkina, même chose. Le Sénégal, Ousmane Sonko doit arriver à la tête du Sénégal en 2025. Monsieur Ouattara doit perdre son côté en 2025. C'est toutes ces batailles. Bazoum doit perdre, il ne sera pas réélu. C'est toutes ces batailles-là qui sont en cours. En réalité, la bataille en cours, c'est comment empêcher le Mali d'arriver au moment où ces pays africains vont aller à de telles élections. Comment empêcher le Mali aujourd'hui, première puissance militaire de la zone IMOA, d'être là pour assister les panafricains et qu'on ne puisse pas tomber sur eux. Messieurs les journalistes, voici la bataille qui est en train de se jouer. Il s'agit du sort des Valais occidentaux contre, bien sûr, le sort des panafricains qui doivent accéder, bien sûr, à la magistrature suprême de tous les pays africains. Merci. Merci à vous, très cher monsieur. Alors, madame Amina Fofana, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous. Alors, je voudrais bien vous relancer par cette question. Alors, Amina Fofana. Alors, Amina Fofana, quelques soucis de connexion avec elle. Alors, président Banda Kanim, alors, on va un peu entrer dans ce discours. Tout à l'heure, vous parliez de la vérité, la franchise dans la tonalité, dans le fond, tout comme la forme de ce discours. Alors, il faut remarquer qu'on peut faire aussi remarquer que le Premier ministre malien, le colonel Abdoulaye Maiga, a commencé cette franchise en interpellant, en dénonçant la sortie du secrétaire général des Nations Unies sur l'affaire des 49. Secrétaire général, vous êtes moi, ça fait des mois que nous demandons sa démission. C'est un voyou. Non, il ne faut pas secouer votre tête, c'est ce qu'il est. C'est un même bandit, c'est un délinquant. Antonio Guterres, c'est un petit délinquant. Donc, ça fait des mois que moi, ici, sur ce plateau, j'écris pour dire qu'il y a longtemps que ce monsieur a abandonné, est sorti de ses prérogatives pour devenir un petit agent de l'OTAN. Ça fait des mois que je le dis ici. Et ce Premier ministre a porté cette voix en démontrant magistralement qu'il est sorti de ses prérogatives. Oui, pas peut-être en l'appelant délinquant. Je dis que c'est un petit délinquant. C'est pas une injure, hein. Je peux démontrer ce que je dis. Voilà. Parce que quand quelqu'un se met, vous vous rappelez l'affaire du Covid, je dis que et c'est ça qui a conduit l'Afrique là où on est là. On accepte n'importe quoi. Et on accumule de lâcheté qui se termine par notre asservissement. Dites-moi comment un secrétaire général de l'ONU peut appeler à la décimation d'un continent en mondovision lors du Covid. Il dit que nous, il prophétise que nous allons mourir par millions. On lui a fait quoi? Pendant qu'il tentait de prophétiser ça, les gens mouraient par centaines, par milliers en Europe. Ça ne l'intéressait même pas parce qu'il était tellement obnubilé par la mort des Africains. Il ne s'est jamais excusé pour ça. Quand on est sérieux, mon cher ami, si l'ONU était une vraie organisation internationale, digne de son nom, attachée à ses châteaux proclamés, on l'aurait chassé depuis trop longtemps de ce poste. Nous, on est là pour faire les archives, pour faire le lexique, le dictionnaire des comportements des uns et des autres, quant à la vie de ce continent et de ce peuple, et même de l'humanité. Pourquoi je dis c'est un délinquant? Ce n'est pas une injure, c'est un fait. C'est vrai quand même que par rapport à la fin des 49, il y a eu un revirement. J'arrive. Oui. Non, il n'y a même pas eu de revirement. Il est comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de revirement. Il n'y a pas de revirement. Le Premier ministre lui rappelle d'abord que c'est un problème bilatéral et judiciaire. Et il lui rappelle ce qu'il a appelé les relations, les rapports de subsidiarité qui sont censés lier la CEDEAO et l'ONU. Il a bien pensé, malgré le caractère flou de cette solidarité, et pas de rapport de mimétisme. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la CEDEAO, tout à l'heure, je vais revenir dessus, ne sait même pas, c'est-à-dire, c'est même pas une organisation. C'est-à-dire, ça ne vaut pas la peine. il lui rappelle ça. C'est-à-dire que, mais ce n'est pas possible. Tu ne peux pas prendre en charge ce qui ne te concerne pas. Tu ne peux pas remplacer la justice malienne. Parce que tu es un secrétaire général de l'ONU. C'est de la délinquance diplomatique. Tu peux pas de l'insulter. C'est de la délinquance diplomatique. Tu ne peux pas, parce que tu es secrétaire général de l'ONU, décider un matin que, bon, ok, moi, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, je remplace la justice malienne. Et du coup, si cette justice n'existe plus, il y a des procédures qui sont engagées sur la base des preuves établies que les instances onusiennes ont reconnues, ont justifiées. Le Premier ministre l'a d'ailleurs rappelé. Mais bon sang, oui. Ce monsieur a-t-il un cabinet qui travaille pour lui? Est-ce qu'il y a une administration tout secrétaire général qui lit les dossiers? Oui, il y en a. Mais il a mis ça de côté. Il a voulu utiliser l'influence de son poste pour faire de la délinquance diplomatique. Voilà pourquoi je vous dis que c'est un délinquant. Ce n'est pas une injure. Attention. C'est de la vérité que je suis en train de dire. Donc, du coup, il remplace la justice malienne. Et il vient dire, on n'a pas affaire à des mercenaires. Vous vous rendez compte? Vous mesurez les conséquences? Il allume le feu. Il est en train de créer les conditions de la guerre. Alors, quelle guerre? Celle qu'il prépare depuis des mois contre le Mali. Vous vous souvenez ici? Ce délinquant est allé à l'Ukraine, il a fait le cinéma. Une bombe avait explosé auprès de lui. Dieu merci, il n'était pas mort. Il a quitté, il a fait une tournée, il est parti au Sénégal. De là, il est arrivé au Niger. Vous vous rappelez son discours? Que nous sommes là pour le suivre de près. Son discours. Ce monsieur est venu dire que la communauté, écoutez-moi bien, que la communauté internationale doit armer le Niger. Vous avez oublié ça? De sa bouche, il est venu dire que la communauté internationale doit armer le Niger. Et on envoie le Niger contre qui? Pour faire quoi? À l'époque, j'ai crié ici, sur ce plateau. Peut-être un votre confrère, votre collègue journaliste, ce n'est pas vous. J'ai crié ici pour dire, ce monsieur doit démissionner, il n'est plus à son poste. Comment le secrétaire général parle d'une... Il parle de communauté internationale. La seule communauté internationale qu'on peut connaître formellement, c'est quand l'ONU est réunie comme ça à l'Assemblée générale. Quand les peuples défilent à travers leurs représentants pour parler, l'Assemblée générale de l'ONU. Oui, encore, on peut dire, ok, voilà de façon, je dis bien, formelle. Une communauté internationale. Non. Mais monsieur, il ne parlait pas à celle-là, il parlait à sa communauté internationale. Cette pègre internationale composée des États-Unis, de la France, de l'Angleterre, de l'Union européenne, qui se sont autoproclamées communauté internationale. Et vous le savez d'ailleurs, quand ça les arrange, l'ONU n'existe pas. D'ailleurs, l'ONU est leur chienne couchant. C'est une chienne couchante de cette pègre internationale. On ne peut pas démontrer ça. Les preuves sont tellement légion qu'on ne parle plus de ça. Quand on se respecte un peu, on ne parle plus de ça. Il les a demandé de venir armer le Niger. Alors moi, j'ai demandé à l'époque, est-ce que le Niger a fait une lettre à l'ONU pour dire que, ok, moi, je n'ai pas de militaire, je n'ai pas d'armée, venez m'armer? Non. Sur la base de quoi donc un secrétaire général donc, de l'ONU se permet de venir appeler à l'armement international du Niger? Si c'était vrai pour le Niger, pourquoi pas le Burkina Faso? Pourquoi pas la Guinée-Conakry? Pourquoi pas les autres pays qui périssent sur les flammes des terroristes? Ça a commencé là. Le crime a commencé là. La suite du crime a commencé là. Ça a été une séquence majeure dans la planification de ces crimes-là. C'est dans ce contexte donc qu'il faut donc inscrire l'affaire des mercenaires ivoiriens. De ces forces spéciales attrapées là-bas, avec leur fausse identité et des armes. Et quand vous comprenez très bien que, et si vous faites un détour à travers ce qu'on appelait SAS là, ce service, société d'aviation, service, ou c'est quoi? Moi, je ne connais même pas le nom, cette affaire-là. C'est ce que ça veut dire. Mais vous vous rappelez ce qui s'est passé? Ces gens-là, mon cher ami, vous prenez un soldat, on vous dit qu'on paye un soldat à 500 000, mais le soldat que coûte, n'est-ce pas, à la trésorerie unisienne, près de 15 millions. Où vont les autres 14 500 000? Ça va où? Et quand vous vous rendez compte que l'entreprise en question a vos propriétaires, le frère de Macky Sall, comme par hasard, et le frère de M. Ouattara, comme par hasard, vous n'êtes pas en train de voir la mafia mondiale qui est autour des missions de maintien de la paix, qui est là, dont le procès est fait là, C'est vrai pour le cas du Mali, mais c'est vrai pour les autres missions de paix dans le monde. C'est une mafia dans lequel tout le secrétaire général de l'ONU mange, mon cher ami. Ils ont mangé en Côte d'Ivoire. Vous connaissez aussi Yon Guichot, clair. Ce criminel qui est aujourd'hui en liberté dans son pays. Il a vendu la certification, n'est-ce pas, aux rebelles ivoiriens pour détruire la Côte d'Ivoire. Il est parti avec des milliards que la rébellion lui versait en vendant le cacao et le café comme pillé dans la région du Nord. Et pour lesquels le Burkina Faso se comparer est devenu producteur. Donc, dans des faits, ce n'est pas un jeu, cher ami. Nous ne sommes pas en train de jouer. Yon Guichot était protégé par qui? Par Ban Ki-moon de l'époque. Et vous avez vu comment l'ONU, sous couvert de l'ONU, a épousé une rébellion, main dans la main. Ils ont détruit la Côte d'Ivoire, ils ont placé au pouvoir ce criminel-là aujourd'hui, qui fait honte aux pays africains et qui passe sa vie à trahir le continent africain, M. Ouattara. Nous donnons des faits. Vous ne voyez pas la séquence? Vous ne voyez pas le lien? C'est pour ça donc, que pour effrayer le Mali, effrayer les Africains, ils sont sa tête de secrétaire général. C'est qui un secrétaire général? C'est quoi? C'est qui? Il n'est même pas un chef d'État. On le rappelle aujourd'hui. C'est qui? C'est un petit secrétaire. Un rapporteur. Un écrivaillon qui fait les rapports d'Assemblée générale. Il veille à ce que ces rapports soient conformes, monsieur. Mais il peut pas remplacer les États, ni les chefs d'État. Mais pourquoi il outrepasse sa fonction? Parce qu'il y a une confusion qui est volontairement installée, mon cher ami, entre le secrétaire général et un agent de l'OTAN. On peut accepter ça? C'est ce que le Premier ministre a dénoncé. Du coup, de cette tribune aujourd'hui. Dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est-à-dire ce qu'on peut considérer comme étant enfin une communauté internationale qui soit acceptable. Il a dénoncé ça. Cette confusion qu'on est en train de faire, où l'ONU, son secrétaire général, devient un agent de l'OTAN. Il cesse d'être le représentant, le rapporteur de la vraie communauté internationale représentée par l'Assemblée générale des Nations Unies. Il prend position. D'où donc le mot, quand je vous dis que c'est un délinquant, moi je n'incite jamais les gens. Attention, j'appelle chat, délinquant diplomatique. Il n'est plus digne d'être secrétaire général de l'ONU. Il doit démissionner. Il doit démissionner, monsieur. Quand j'ai fini avec ça, je reviens avec l'autre dimension internationale de ce discours de monsieur le Premier ministre, l'homme qui a fait honneur au continent africain, une fois de plus aujourd'hui. Quand il a convoqué la question des droits de l'homme, vous l'avez suivi? Oui. Il dit que les droits de l'homme, chaque Malien incarne les droits de l'homme. Je ne sais pas si les gens ont suivi ça. On pense que c'est là. Non, il faut s'arrêter là-dessus. Eh bien, pour rappeler que le Mali n'a rien à apprendre par rapport aux droits de l'homme. Le Mali a toujours fait de la promotion, de la protection des droits de l'homme une question nationale, en partant de l'histoire. Chaque Malien, donc, incarne les droits de l'homme. Il a convoqué quoi? La charte du Kourou-Kan Fouga. Oh mon Dieu. On est en 1236. Personne n'imaginait même qu'un jour l'ONU devait exister. Personne, on pensait même pas un jour que l'Occident se jugerait dans l'histoire. Les Maliens avaient déjà élaboré une constitution. Mais pire, ils avaient une charte des droits de l'homme. Alors, dites-moi donc comment, à partir des pareilles références et des faits historiques, on peut accepter aujourd'hui que sur la base d'une rédaction minimaliste, j'allais dire vulgaire, de ce qu'on appelle droits de l'homme, on soit en train de détruire le Mali en protégeant les terroristes par la manipulation du droit humanitaire international, ce qu'on appelle les droits des humains, la charte des droits humains aux Nations Unies. Et que tout le temps, on nous insulte, on insulte l'Afrique, et qu'aujourd'hui, des criminels se présentent comme les porte-drapeaux des droits de l'homme. Cette imposture devait cesser. Et aujourd'hui, le Premier ministre l'a dit clairement dans l'enceinte des Nations Unies face à la communauté internationale, la vraie. Réunis à l'Assemblée générale. Quand vous regardez aujourd'hui, mon cher ami, que la question des droits de l'homme aujourd'hui est aujourd'hui le préjugé majeur de notre époque, c'est-à-dire que derrière ça, des criminels, la criminocratie internationale qu'on appelle l'Occident, se permet de se présenter en paragon des droits de l'homme, alors qu'elle passe son temps à la violer matin, midi, soir. Elle peut accuser la Russie de crimes de guerre et nous imposer que nous considérons c'est l'accusation comme étant de la vérité. Et quand nous refusons, Et quand on demande, mais amenez ça à l'ONU au moins, amenez, faites semblant, amenez, allez faire votre testament au moins à l'ONU. Elle refuse, ils refusent, mon cher ami. Et ils nous disent que non, on doit condamner un crime qui est un crime parce qu'ils l'ont décidé. Alors que eux, les vrais crimes qu'ils commettent matin, midi, soir, ne sont jugés par personne. Ça peut continuer comme ça? Vous voulez qu'on laisse un criminel comme Macron parler des droits de l'homme? Vous voulez qu'on laisse ici la fondée une déréglée mentale parler des droits de l'homme? Vous donnez les leçons? Vous voulez qu'on laisse Joe Biden, un tribunal comme ça, vous donnez les leçons des droits de l'homme? Vous voulez qu'on laisse l'Angleterre, l'Union Européenne, continuer à nous infantiliser comme ça? Vous voulez qu'on les laisse trahir la charte des Nations Unies qui a consacré, mon cher Aboubakar, l'indivisibilité des droits de l'homme? C'est dans la charte des Nations Unies là. Ils n'ont même pas lu. Ils ne savent même pas la lire. Indivisibilité veut dire qu'il n'y a pas de droit politique à part, de droits économiques à part, de droits culturels à part, de droits sociaux à part. Et ce que ça veut dire? Donc, une vision holistique des droits de l'homme. C'est ce que le Mali a fait dans la charte de Kourou Kanfouga. Et voilà pourquoi le Premier ministre lui rappelle ça. Ce n'est pas leur niveau. Ce n'est pas leur niveau. On peut continuer, mon cher ami. Alors, si vous parlez du secrétaire général, mais alors, on va parler de certaines figures qui ont été convoquées. Oumaro Sissako, Umbalo. Alors moi, je vous pose une question, M. Aboubakar. C'est vous qui posez la question. Hein? Oui, oui. Je suis dans une figure de style. Bon, vous me demandez, vous me demandez, M. Bandakani, c'est un président, que Sissako, là, c'est un président. Donc, moi, Bandakani, je dois appeler Sissako chef d'État, Sissoko chef d'État. Et pourquoi pas ne pas l'appeler, hein, président Bandakani? Ben, alors, ce genre de souffrance a été terminé pour les Africains. On peut plus considérer des voyous comme ça comme président. C'est chef de l'État. Non. Il n'est pas chef d'État. Pas appeler ça chef d'État. Si vous appelez ça chef d'État, il n'y a plus de chef d'État dans le monde. Arrêtez ça. La fonction de chef d'État est sacrée. Alors, ils l'ont désacralisé en habillant le nègre de maison, en ramassant de la racaille la plus absolue, et les ont habillés du costume de président. Et c'est là où on nous a piégés. Parce que quand tu vas appeler Shogun Mike, comment on l'appelle? Oh, le grand colonel Assimi Goïta. Quand tu vas l'appeler président, il faudra aussi appeler Sissako Ambalo président. C'est là le piège. Il faudra aussi appeler Bazoum président. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Les bandits qu'on appelle l'Occident, des petits garçons comme Macron, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donc ramasser la racaille habillée en costume de président. Les opposer donc à les vrais présidents qui sont porteurs d'aspirations de leur peuple, monsieur. C'est ça le danger que nous avons cette affaire. Donc, quand un patriote africain va dire qu'il est président, monsieur Ouattara va venir s'asseoir, il va prendre la photo avec Joe Biden. Vous avez vu, c'est son problème, hein. Il fallait qu'on le filme avec Joe Biden et son épouse. Dès qu'il sort ça, c'est un grand président. Écoutez, ça ne peut pas continuer comme ça. Les Africains sont en droit aujourd'hui de ne plus considérer des soi-disant présidents de la CEDEAO comme étant des présidents. Ils ne le sont plus. Nous avons construit l'opinion publique africaine pendant 10 ans au prix de nos vies. Hein. Et le Premier ministre Mario aujourd'hui vient de faire consacrer cette opinion publique africaine qui a été construite à un niveau supérieur. Ça veut dire quoi? Allez-y. Ça veut dire que désormais, cette opinion a son mot à dire. Et que les présidents ne parlent plus au nom de l'Afrique, c'est terminé. Ce n'est plus n'importe quel président, n'importe qui. On ne peut pas dire que parce que je suis président, je parle au nom de l'Afrique. C'est trop ça. Combien de faux présidents trahissent l'Afrique matin, midi, soir? De toute façon, sur ce point-là, le Premier ministre malien a dit clairement au président en exercice de la CEDEAO, au président Bandakani, que le président en exercice sera jugé sur les efforts menés sur la vie des populations. Et non, ça, ce sont ses propos des shows médiatiques. Vous avez tout compris? Notre secrétaire général du gouvernement guinéen, Guinée-Conakry, nous a dit que c'est du guignol, c'est un guignol. Vous avez oublié? Il y a la vidéo circule sur Internet. C'est un guignol. Donc, des gens comme les Oumaro Sissoko Ambalo, des Macky Sall. Quelle honte, les Macky Sall. Vraiment, écoutez, on veut respecter le vieux là qui est au Ghana. Mais regardez ça. Des gens comme ça. Vous voulez que nous, on continue à les appeler président parce que M. Macron les habille? Parce que Macron partage. Bon, on va appeler Bazoum chef d'État, non? Mais oui, voilà ça. Donc, on oblige. Allons-y, non? Bazoum est chef d'État. Parce que Le Drian et Macron l'ont habillé dans une chambre, n'est-ce pas? Après une cérémonie bizarre dans cette chambre, on l'a bien déconstruit, on l'a placé au Niger. Il est président. Il ne peut même pas poser sur la table la simple revendication d'un bon prix de l'uranium de son soi-disant pays. C'est un mercenaire. Vous comprenez? Donc, ça pose un problème, mon cher ami. Et là, il faut aller chercher ça là-bas. On ne peut plus considérer en Afrique n'importe qui comme président parce qu'il a la toque d'un chef d'État. C'est fini, ça. Cette stratégie de l'impérialisme qui consiste, n'est-ce pas, à appeler président des valets, des traîtres, des mercenaires et nous l'imposer ça à notre conscience, c'est terminé. C'est aussi ça que veut dire le discours du Premier ministre au Mali. D'accord. Merci. Ça veut dire. Merci beaucoup. Attendez. Oui. Je ne vous coupe pas. Non, c'est vous le patron. Hein. Non, je vous coupe. Si vous dites que c'est terminé, allez-y. Moi je. Non, allez-y, président Badakane. Je voudrais seulement que monsieur Isaac, parce que vous allez revenir. Hein, ok. On a tout le temps. Okay. Non. On a tout le par temps. Par respect pour, entrer... pour les autres panélistes. Voilà, on a okay. tout le temps d'entrer, de pouvoir décrypter, c'est pratiquement l'objectif de l'émission de ce soir. Alors, je voudrais, puisque président Badakane, vous avez évoqué l'affaire de 49, hein, alors, monsieur Isaac Kofi, alors, on sait que la CEDEAO se retrouvait en marge de cette session des Nations, de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York et a pratiquement sorti a condamné le Mali par rapport à cette affaire de 49. Alors, vous venez de suivre le Premier ministre malien dit sur la question. Je voudrais juste prendre un extrait qui rappelait, qui demandait qui aujourd'hui pratiquement est en mesure d'accepter que des militaires débarquent sur son sol avec des fausses identités et aussi avec des armes. Et il a également répondu au président de la CEDEAO en ces termes: nous n'avons pas la prétention de garder ou de relâcher, c'est une affaire de la justice. Lorsqu'on sait, Isaac Kofi, que la CEDEAO a pris comme résolution que dans les prochains jours ou peut-être prochaines semaines, une délégation des chefs d'État va se rendre à Bamako, question de rentrer avec les militaires ivoiriens. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que le Premier ministre vient pratiquement de siffler d'une autre façon la fin de cette affaire pour donner encore, pour repréciser la position du Mali? Et il a dit quelque chose qui est très important. Il ne siffle pas la fin. Au contraire, c'est maintenant que l'affaire va commencer. L'affaire dans l'affaire va commencer parce que ce qui va se passer, c'est que déjà le Mali a donné la réponse et qu'il va donner à ces trois valets de la France, ces trois chefs d'État, à savoir le président Macky Sall, le président du Togo et puis je crois le président du Ghana qui se rendent à Bamako. D'ailleurs, le Mali a déclaré aujourd'hui que pour des raisons d'agenda, ils ne peuvent pas recevoir cette délégation le mardi, mais ils peuvent le faire à partir du jeudi ou du vendredi prochain. Donc, c'est peut-être en attendant que le Premier ministre revienne et que, bon, le gouvernement soit au complet. Bon, déjà, ils se sont... le discours qu'il a livré à New York, je pense que c'est le même discours qu'il va livrer à ceux qui vont partir. C'est une affaire qui concerne la justice et c'est seule la justice malienne indépendante qui prendra une décision concernant ces 46 mercenaires. Je rappelle que ce ne sont pas tous des Ivoiriens comme on a voulu nous faire croire. Il y a des Libériens, des Togolais, il y a même surtout beaucoup de Libériens et d'autres nationalités même. Le Mali, jusque-là, c'est comporté avec la sagesse africaine en ne mettant pas sur la place publique tout ce qu'ils savent, ce qu'ils ont recopilé comme information avec ces mercenaires-là. Donc, lorsqu'ils vont venir, je crois que la majorité d'entre eux déjà sait ce qui se passe, que ce ne sont pas des militaires ivoiriens. Quand ils seront là-bas, le Mali va présenter les preuves et dit, bon, adressez-vous à la justice. Donc, cela, comme je vous le disais, ça marque le début de l'affaire parce que cette réponse malienne que nous pouvons déjà anticiper, ça va enclencher cette CEDEAO et un syndicat de chefs d'État dictateurs à peut-être aller à un degré supérieur en prenant des sanctions, dans ce cas-là, contre le Mali et la Côte d'Ivoire et qui a demandé cette réunion de New York et déjà prévoit peut-être de fermer la frontière pour que le port d'Abidjan soit fermé dans ce cas au Mali, de même que couper l'électricité que le Mali d'ailleurs paye Donc, il faut s'attendre à une escalade, mais je suis très content de la réponse du Premier ministre Maïga à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Il s'est adressé aussi au secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, qui a été Premier ministre du Portugal. Est-ce qu'il aurait accepté que, par exemple, un avion venant, par exemple, du Maroc ou même de l'Algérie se pose, je ne dis même pas sur le territoire portugais, le territoire continental, mais sur l'île de Madeiras, avec des hommes armés à bord, avec même deux avions, avec des armes dans un, et des hommes, et des militaires, avec des passeports, avec des faux noms, de fausses professions dessus, se poser, ne serait-ce que sur l'île de Madeiras, je ne dis même pas à Lisbonne ou à Oporto. Comment aurait-il réagi? Et c'est cela. Mais pourquoi ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse, vous le faites aux autres? Et là, le Premier ministre l'a rappelé aussi dans son discours, c'est très important. Il a donné une réponse à l'ONU et il a donné une réponse aussi à la CEDEAO. Donc, soyez prêts, soyez en tout cas très préparés, parce que ce syndicat de criminels qui pense être le plus fort en Afrique, parce qu'ils ont le soutien de la France et des Occidentaux, ils ne vont pas, s'arrêter là. D'ailleurs, ils ont écouté ce discours, ils savent analyser, ils savent que le Mali vient de donner une réponse précise, claire et nette, et que tous les Africains, en tout cas l'immense majorité des millions d'Africains, sont avec le gouvernement du Mali et le peuple malien. Donc, toute tentative encore de chercher à museler ce peuple est vouée à l'échec. Mais soyons patients. On attendra ce qu'ils vont dire peut-être le jeudi ou le vendredi lorsqu'ils vont se rendre à Bamako. Et bon, l'autre partie de ce feuilleton va continuer. Merci beaucoup. Isaac Kofi. Alors, Issa Diawara, je voudrais vous relancer sur un autre pan de ce discours. C'est par rapport à l'AMUNISMA. On a suivi le Premier ministre, le colonel Abdoulaye Maïga, dit clairement que les objectifs de l'AMUNISMA ne sont pas atteints. Et il est question aujourd'hui pour cette force onusienne de changer pratiquement de paradigme. Alors, quelques soucis avec Issa Diawara. Et je pense que nous avons la chance de retrouver encore Madame Fofana qui est avec nous. Alors, Amina Fofana, bienvenue une fois de plus à vous, Madame. Alors, la question que j'adressais à Issa Diawara, on l'a suivi, le Premier ministre. Aujourd'hui, revenir sur cette affaire de la MINUSMA, que d'après le Premier ministre l'a fait savoir que les objectifs de cette force onusienne sur le terrain ne sont pas atteints et qu'il est question aujourd'hui de changer de paradigme. Comment est-ce que vous avez compris cet extrait du Premier ministre Abdoulaye Maïga? Bon, il a tout à fait raison parce que ça fait à peu près 10 ans que l'ONU est ici et l'ONU n'a pas à respecter même le contrat qui a été signé avec le Mali. Cela veut dire quoi? Que l'ONU, normalement, n'est pas là comme une force d'interposition. L'ONU est là pour étant une force d'appui aux forces armées maliennes, les FAMA, contre les terroristes. Mais on voit que même l'ONU, là, tire sur les populations civiles. Ça s'est passé en 2016 à Gao. La même ONU a tiré récemment sur les populations civiles du Congo. Donc, la même ONU a été chassée de partout ici au Mali parce que ce dont la France est accusée, c'est exactement ce que l'ONU fait ici. L'ONU a 3 objectifs dans son calendrier caché parce que l'ONU a son propre calendrier. L'ONU est là pour comme les mercenaires, là, parce que l'ONU est impliquée dans cette histoire. C'est pour cela que Alassane Ouattara et la CEDEAO et la CEDEAO de Macron voulaient déplacer le problème à l'ONU. Donc, l'ONU est impliquée non seulement dans ça, l'ONU est impliquée, l'ONU veut déstabiliser, c'est-à-dire, ça c'est la déstabilisation du régime malien avant que les élections arrivent. L'ONU ne reste pas derrière nos autorités pour faire les opérations. L'ONU prend ses propres initiatives et fait des actions isolées avec les terroristes. Ce sont les mêmes qui donnent les bombes artisanales aux terroristes pour aller, puisque Barkhane n'est pas là. Ils font le même travail que la France. Parce que cette ONU a été appelée par la France chez nous, contre nous, pour nous détruire et pour nous piller. Donc, il y a cet aspect. Il y a un autre aspect qui est l'accord d'Alger. L'ONU veut absolument que le Mali soit divisé en deux blocs. Bon, le digne président patriote Assimi Goïta a dit qu'il ne tournera pas le dos au Mali tant qu'un centimètre carré du Mali restera occupé. L'ONU est là pour la déstabilisation du Mali, pour diviser le Mali, pour faire comme ce qu'ils ont fait à Lumumba. L'ONU n'a pas les intentions claires. L'ONU d'ailleurs, pourquoi l'ONU, force de maintien de la paix, l'ONU, depuis quand l'ONU se préoccupe de la paix dans le monde? Non, l'ONU fabrique les guerres, et l'ONU et l'OTAN fabriquent les guerres, ça veut dire que l'OTAN, l'ONU est la représentation de l'OTAN. L'OTAN fabrique les guerres et les légalise à l'ONU. Et vous voyez comment ils sont en train de traiter Poutine, Vladimir Poutine, le digne président patriote à l'ONU. Donc, on fait comme si les Américains n'ont rien fait. Donc, l'ONU prépare les guerres, exécute les guerres, amène les terroristes, les nourrit. L'ONU fait exactement, ce sont des mercenaires. Ce sont des terroristes eux-mêmes. Si vous entendez qu'il y a le djihadisme ici, par-ci, par-là, ce sont eux. Si vous entendez qu'il y a le terrorisme par-ci, par-là, ce sont eux. Donc, après, je reviendrai sur le statut de l'homme noir à l'ONU. Parce qu'une fois, même j'ai entendu le président Banakani qui a lu la charte de l'impérialisme. Parce que l'ONU fonctionne sur la base de la charte de l'impérialisme. Donc, toutes les guerres que l'Occident fait, l'ONU est là pour que ça soit bien fait et que les objectifs soient atteints. Ils ont besoin de diviser le Mali en deux pour occuper le nord et s'accaparer de nos ressources comme le pétrole, comme du gaz, comme d'autres ressources naturelles que l'on trouve au nord là-bas. C'est ce que la France cherche ici au Mali avec l'ONU. Donc, après, je reviendrai, comme je vous l'ai dit, sur l'ONU. Je vais prendre M. Bazoum qui a été bien brossé. Donc, je vais en rajouter une petite couche. Bazoum héberge Barkhane. Or, le peuple malien a chassé Barkhane. Mais Bazoum, d'ailleurs, Macron ne l'a même pas informé. Il l'a appris, lui, Bazoum, et le monde entier a appris que Macron va partir, Macron va faire déménager Takuba et Barkhane au Niger. Donc, Bazoum ne proteste pas. Il va à l'Assemblée. Il va isoler, il va corrompre parce qu'il a reçu de l'argent. Il va corrompre ses partisans, députés. Donc, lui qui est un terroriste, normalement un ex-terroriste, mais en statut de président. Parce qu'il faut savoir que ces présidents-là qui sont là, ce sont des colons noirs, ce sont des terroristes. Ce sont des sous-terroristes, si je peux appeler ça comme ça. Parce que les vrais terroristes planifient et eux, ils exécutent. Le plan de l'Occident. Donc, Bazoum a accueilli Barkhane spécialement pour déstabiliser le Mali, pour détruire le Mali. Et d'ailleurs, quand le convoi de la mort a traversé le Burkina et a traversé le Niger, Barkhane a tiré sur 3 personnes. Bazoum, il ne parle pas de ça. Il fait comme... C'est-à-dire que nos vies n'ont aucune importance pour ces imposteurs. Ce sont des imposteurs. Nos vies n'ont aucune importance pour eux. L'uranium du Niger, là où les déchets sont stockés comme des collines, quand il y a du vent, ça met les radiations sur le peuple du Niger. Et il y en a qui ont des cancers, ils ont toutes sortes de maladies, sans compter qu'ils sont dans le noir. Et pendant ce temps, Bazoum fait de la France le premier pays exportateur d'uranium. D'ailleurs, non seulement la France prend l'uranium gratuitement, la France fournit aussi l'uranium. Bazoum ne parle pas de ça. Quand Barkhane tire sur sa population, non, ça, ce n'est pas un problème africain. Non, pas du tout. Il ne parle pas de ça parce que c'est son Dieu qui l'a mis là, qui a pris la vie. Ça dit, c'est à cause de ces indignes-là que les Africains sont souillés depuis la nuit des temps. Les Blancs, les Occidentaux ont pris les plus lâches d'entre nous. Moi, femme, mille fois, même morte, je vaux mieux que ces gens-là vivants parce que ce ne sont pas des hommes. Donc, ils sont là pour protéger tout ce que l'Occident fait contre nous. C'est leur seul but. Donc, ils ne parlent pas de l'uranium. Et pire encore, il va donner l'interview aux médias mensonges de la France et il va prédire que Menaka va tomber, que la ville de Menaka va tomber. Bazoum est un terroriste, ça on l'a toujours dit clairement sur ce plateau. C'est un terroriste. Bazoum connaît le planning avec la France, avec Barkhane là-bas. Ils connaissent le planning des terroristes parce qu'ils travaillent spécialement à la frontière du Mali, entre le Mali et le Niger, pour déstabiliser le Mali. Mais c'est le peuple nigérien, d'ailleurs, le brave qui est sorti l'autre jour pour manifester. On les salue et on les soutient, on les encourage, surtout les députés Oumarou du Niger, mon ami. D'accord, je vais un peu laisser Bazoum comme ça pour ne pas trop monopoliser la parole. Je prends Ouattara. Ouattara, le premier ministre patriote, il a expliqué comment le troisième mandat de Ouattara est venu. Il a assassiné des gens. Il a fait fuir les vrais fils ivoiriens. Il les a chassés de chez eux. Ceux-mêmes qui lui ont donné la nationalité. Ceux qui lui ont donné d'abord la carte de séjour, en plus la nationalité. Je parle bien évidemment du président Laurent Gbagbo. Guillaume Soro est un fils, un vrai fils de la Côte d'Ivoire. Mais Ouattara n'a pas hésité à l'envoyer à l'exil. Donc, il y a des intimidations, il y a des meurtres, il y a des empoisonnements. Nous avons vu comment quelqu'un s'est débarrassé de Ahmed Bagayogo. Nous avons vu comment Gon Koulibaly, il l'a fait partir. Nous avons vu comment il a marché sur la constitution de la Côte d'Ivoire. Ce monsieur est un hors-la-loi. Nous avons vu lorsque Guillaume Soro a porté plainte contre lui aux droits de l'homme de la Cour africaine, je pense bien. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a retiré la Cour de la Côte d'Ivoire de là-bas. C'est-à-dire que Ouattara est hors la loi. Ce sont eux qui se prétendent démocrates, mais ce sont eux qui se comportent, ce sont des colons. Ils ne respectent aucune loi et aujourd'hui, la difficulté pour lui est qu'il est mis face à ses responsabilités vis-à-vis de ses mercenaires capturés au Mali dans le but de renverser le régime, notre régime. Et il va partir. Lui va partir et les assimilés vont rester. Je viens un peu à Ambalo. Ambalo avait fait, bon, comme s'il était, parce que sa mère est malienne. Donc, il était venu au Mali. Au début, il soutenait le Mali. Donc, Ambalo, quand il y a eu les élections, les élections se passaient en Guinée, Ambalo est parti soutenir Sélou d'Alain Diallo. À l'époque, moi, je n'ai jamais été avec Sélou d'Alain Diallo parce que c'est un tribaliste. Il est là pour instaurer le tribalisme en Guinée. Ça fait partie de l'un de ses projets phares. Il est là contre l'Afrique et pour l'Occident. C'est le parfait esclave soumis qui veut sacrifier tout un peuple. Et c'est ça qui n'arrivera plus. Ce rêve-là est brisé déjà. Ça n'arrivera plus. Donc, c'est Lou d'Alain Diallo, il va pour le soutenir. Il va s'acharner sur Alpha Condé. Je ne soutenais pas Alpha Condé parce que je ne voulais pas soutenir un troisième mandat. Mais Alpha Condé, même mort, vaut mieux que Sélou d'Alain Diallo. Parce que Sélou d'Alain Diallo non seulement porte un projet de tribalisme, et encore pire, il porte le projet du franc CFA contre le peuple de Guinée, contre le peuple d'Afrique. Sélou d'Alain Diallo, c'est l'humiliation. Donc, Ambalo et lui sont dans ce projet de tribalisme. Et il y a d'autres présidents qui sont là-dedans. Même leur candidat au Mali, ici, on est au courant, mais ils croient qu'on n'est pas au courant. Depuis 2020, moi, je suis au courant de leur manœuvre. Il y a Ambalo, il y a un autre président, il y a Sélou d'Alain Diallo. Donc, Doumbouya est venu briser leur rêve, leur plan. Maintenant, Macron ne sait plus comment faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que la CEDEAO sanctionne Doumbouya parce que Doumbouya a aidé le Mali pour que, c'est grâce à lui, à l'Algérie et à la Mauritanie, que les sanctions inhumaines, illégales, injustifiées et inhumaines et illégitimes ont été imposés au peuple malien dans le but de nous tuer ou de nous révolter contre nos dirigeants. Mais on est un peuple, on est un peuple résigné et on ne va jamais attaquer parce que nous savons aujourd'hui qui sont nos ennemis et ils n'atteindront jamais leurs objectifs. Donc là, il est dans le projet. C'est pas pour rien que lorsque Macron fait la tournée, il quitte le Cameroun pour aller au Bénin et puis ensuite il se rend en Guinée-Conakry. En Guinée-Bissau, il parle du projet tribalisme. Il dit que les peuples sont, sont victimisés ou voilà, sont agressés ou un truc comme ça. C'est le projet que porte Ambalo avec Selou Delendjalo. C'est pour ça que lui, il était contre Alpha Condé. Et je le répète, Alpha Condé, même mort, vaut mieux que Selou Delendjalo. Et je profite de votre antenne, de votre micro, pour donner mon soutien total au peuple, au brave peuple de Guinée, et que le peuple de Guinée sache qu'il n'est pas seul, et que pour sortir des jougs de l'impérialisme, il y a des étapes à franchir. Le peuple guinéen ne sera pas seul, de Guinée ne sera pas seul dans ces moments difficiles. D'ailleurs, la CEDEAO est à bout de souffle. On va soutenir le peuple, le soutien sera réciproque. Donc, je salue le courage de Mamadi Doumbouya, et je salue aussi son représentant de la présidence, M. Camara. J'ai oublié son nom, c'est comme notre Sadio Camara ici. Donc, on le salue, on a trop aimé son discours, et nous savons que, unis, ces gens-là vont disparaître, et ils sont condamnés à disparaître. Même l'Occident, leur Dieu, leur maître, qui ont décidé que les Noirs ne sont pas des êtres humains, ici, là-bas, à l'ONU, vont disparaître à plus forte raison, leur souillons. Donc, à Damiba de se ressaisir. Damiba, je ne partage pas sa position. Il faut qu'il se ressaisisse. Il n'est pas clair du tout. Je félicite le Togo à travers Robert Doucet, qui a tenu un discours totalement panafricain. Vraiment, voilà quelqu'un qui est à encourager. Et Damiba qui joue pile ou face, on n'est pas d'accord avec ce qu'il est en train de faire. Donc, les Noirs, comment ils sont représentés à l'ONU? Ben, les Noirs, ils n'existent pas à l'ONU. Parce que nous, c'est-à-dire que quand la Russie vient en partenariat avec le Mali, c'est la France qui considère que c'est elle qui est agressée. Quand Macron s'arrête au sommet de Montpellier, il dit clairement que si nous traitons avec Wagner, le Mali va perdre sa souveraineté. Donc, dans cette institution criminelle d'imposture, ce qui prétend être une institution internationale ou mondiale ou je ne sais pas quoi, ben, les Noirs ne sont pas du tout représentés. Le racisme qu'il y a là-bas, c'est tout ça qui a été déballé au cours de cette assemblée générale qui s'est déroulée. Il y a le racisme, c'est la France qui est considérée comme étant représentant garant des pays africains. Donc, c'est pourquoi vous voyez que lorsque le Mali convoque le Conseil de sécurité à l'ONU avec des preuves contre un des membres permanents, vous voyez comment les impérialistes sont en train de tourner. Mais là-dessus, nous avons le soutien de nos deux partenaires avec droit de veto que je salue ici, la Russie et la Chine. Donc, si la CEDEAO avait pris le dossier marocain, le Maroc qui a liquidé plus de 200, c'est-à-dire 213 Africains, surtout les Africains de l'Afrique de l'Ouest, de 213 Africains à sa frontière pour qu'ils ne rentrent pas en Espagne. Est-ce que la CEDEAO s'est saisie de ce dossier? Mais c'est l'Algérie, à travers ce que Mme Linda, ma soeur Linda Larbaoui a expliqué aujourd'hui, c'est l'Algérie qui s'est saisie de ce dossier pour aller défendre le peuple africain qui a été tué, massacré, ce même Maroc qui veut rentrer dans la CEDEAO pour déstabiliser avec son projet, foutu projet des Grands Maroc, qui veut rentrer dans la CEDEAO. Mais tu t'imagines, c'est le monde totalement à l'envers. Donc, non seulement ces gens-là ont choisi les Noirs les plus lâches, et ce sont des lâches qui n'osent pas aller dénoncer, puisqu'il faut que vous sachiez que c'est l'Union européenne qui finance et les côtes libyennes et les Marocains et tous les pays criminels qui tuent leur peuple frère pour ne pas accéder de l'autre côté. Pendant qu'on nous pille, pendant qu'on nous met des guerres ici, pendant qu'on nous tue avec le franc CFA aussi, pendant qu'on nous impose des dictateurs et tout, pendant qu'on nous met toutes leurs misères qui sont censées vivre, puisque eux, normalement, ils sont faits pour la misère, puisque Dieu ne leur a rien donné. Donc, pendant qu'on nous fait tout ça, ils vont, les mêmes gens, aller financer des pays pour tuer ceux qui veulent fuir la misère. Donc, voilà le rôle du Maroc en Afrique. Donc, quand on fait les élections ici, c'est l'ONU qui envoie des observateurs indépendants, la soi-disant communauté internationale qui envoie des observateurs indépendants pour légitimer ceux qu'ils ont nommés, ceux qu'ils ont décidé qu'il sera président dans tel pays. Donc, c'est l'ONU qui c'est-à-dire, c'est eux qui les légitiment, c'est eux qui se précipitent avant même les résultats pour féliciter ceux qu'ils ont nommés en se servant de l'outil démocratique, en passant par des bureaux de vote, fatiguer les Africains. Or, ils ont... Excusez-moi. Or, ils ont déjà décidé au préalable qui sera président, qui ne sera pas président. Moi, je vais vous poser une question. Quel jour les Africains sont allés en Europe là-bas pour envoyer leur observateur indépendant pour légitimer un président là-bas? Il faut que ce genre de choses cesse. C'est pour cela qu'avec l'organe unique de gestion que le Mali est en train de mettre en place, cet organe-là va gérer tout. On n'aura pas besoin de la communauté internationale autoproclamée criminelle pour venir dire c'est elle qui est président. C'est ça que l'ONU veut faire même ici, encore aujourd'hui. Tel qui est président, ils ont ça au cas où, pour déstabiliser, au cas où ils ne parviendront pas à déstabiliser ou à renverser le régime en cours. Il faut que l'ONU comprenne que tout ce que le président, le digne premier ministre patriote a dit, c'est la vérité. Le peuple malien, ils peuvent plus, ne peut plus rentrer dans leurs bêtises. C'est-à-dire que qui que ce soit qui veut prétendre diriger le Mali aujourd'hui est obligé d'obéir au calendrier des Maliens. D'ailleurs, la nouvelle constitution est en cours. Donc, en tout cas, ça, le Premier ministre a fait bien savoir. Le Premier ministre l'a dit et le peuple malien a décidé de prendre son destin en main, Amina Fofana. Oui, tout à fait. Le peuple, on n'est pas arrivé là par hasard. Nous avons mené des luttes et ça continue parce que la présence de l'ONU ici est un danger, est une menace. Donc, nous, on est obligés de se lever pour chasser l'ONU comme on a chassé Barkhane, comme on a chassé Takuba. Voilà, la MINUSMA, quoi. Voilà, on est obligés de chasser la MINUSMA d'ici parce que nous connaissons les intentions et les projets criminels de la MINUSMA. Donc, la nouvelle constitution va répondre aux aspirations profondes du peuple malien. Nous avons exigé le changement. Vous savez, quand Ibeka était président, ou bien Bandaou qui n'écoutait pas le peuple, mais Ibeka, il était président, on avait tous les problèmes du monde. On était comme tous les autres pays, mais on s'est battu. Il va falloir que les autres peuples africains se lèvent pour imiter le Mali. Un nouveau monde est possible, mais pas seulement en commentaire sur Internet. Il faut prendre vos courage à bras le force. Ils ne peuvent enrôler personne de force aujourd'hui pour aller faire une troisième guerre mondiale. Parce que notre digne premier ministre patriote leur a rappelé le sacrifice ultime des Africains dont ils ne parlent pas. Ils ont enlevé sa vie d'histoire. Ce sont des falsificateurs. Et la Russie aussi a perdu 27 millions de sa population, voilà, ou de son armée, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et les Africains n'ont même pas compté les nombres de millions de morts. Aujourd'hui, ces voyous sont en position de faiblesse. Il faut que les peuples se bougent. Il faut que les militaires patriotes qui sont dans ces pays, on n'arrête pas de le dire. Donc, il faut que ces militaires se bougent. Un nouveau monde, ce n'est pas que c'est possible, c'est obligatoire maintenant. Et si vous voyez que la CEDEAO grogne à gauche, à droite, ne peut pas attaquer le Mali. C'est parce que depuis la première fois qu'ils ont essayé, à l'ONU là-bas, la Russie leur a dit que l'accord de défense qu'il a lié au Mali, dans cet accord de défense-là, si on touche au Mali, on a touché à la Russie. Donc c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas attaquer le Mali. Sans compter que pendant ce temps, le Mali aussi a fait une montée, la montée en puissance de l'armée malienne n'est plus à contester. Donc, ils y réfléchiront à mille fois. Là où l'OTAN n'attaque pas directement, ce n'est pas un outil des impérialistes comme la CEDEAO, puisque ce sont des choses, ce ne sont pas des gens. Un outil, des outils comme ça qui va pouvoir s'attaquer au Mali. Non, non, pas du tout. Que le peuple africain reste tranquille et qu'il soit rassuré, mais qu'il sorte contre leurs dirigeants. Mais les Nigériens ont commencé à sortir contre Bazoum. Aujourd'hui, il va falloir que Damiba, je comprends la position du peuple burkinabé. Il faut que Damiba, il faut pousser, il faut que le peuple pousse Damiba. Amina Fofana, soit merci beaucoup. Oui. Merci énormément à vous, madame. Nous avons vraiment pratiquement l'impression sur ce plateau que grâce à ce discours historique du Premier ministre malien, le colonel Abdoulaye Maïga, et grâce aussi à cette émission, édition spéciale, vous avez pratiquement retrouvé votre santé. Merci beaucoup à vous, madame. Alors, président Badakani, on va aller très vite, nous reste plus beaucoup de temps pour partir de ce studio. Je voudrais qu'on puisse évoquer cette autre partie du discours du président, du Premier ministre malien. Alors, vraiment, de la rhétorique hein, dans ce discours-là, où il parle de l'autorité française, aujourd'hui anti-française, où il parle de la France qui a trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières. Comment est-ce que vous avez compris cette partie du discours, président Badakani? L'autorité française anti-française. Oui, c'est la vérité historique. D'abord, il faut la junte française. Il faut inscrire ça dans le cadre du redéploiement stratégique. Du petit garçon de l'Élysée, qui a déclaré une guerre médiatique, une guerre cyber-médiatique à l'Afrique et au panafricanisme. C'est clair. Son discours aux ambassadeurs consacrait un revirement que M. Macron a pris, dont le but est de quoi? Est de renverser la tendance panafricaniste en posant la France comme celle qui dénonce l'impérialisme russe. Autrement dit, la France n'a jamais été un pays impérialiste. Donc elle dénonce l'impérialisme russe. Et du coup, tous ceux qui sont, n'est-ce pas, d'après eux, dans la construction du discours anti-français, d'après les thèses de M. Macron, sont donc des pro-impérialistes. Et du coup, la France va donc se poser en porte-voix des anti-impérialistes africains. Bon, il n'y a que dans sa tête qui pense que les choses comme ça sont possibles. Il n'y a que dans sa tête de déréglé mental qui croit que... Il prend ses rêveries pour la vérité. Il ne comprend pas que la construction, n'est-ce pas, ce qui se lève en Afrique là, c'est une affaire qui le dépasse. Il est trop petit pour affronter ça. Il ne comprend pas ça. Et pourquoi à un moment donné, nous sommes restés tranquilles pour dire que, bon, okay, qu'il gesticule. Donc, Monsieur le Premier ministre malien vient de détruire sa stratégie. C'est terminé, cette stratégie. Sur le déploiement français, il crée des faux profils sur Internet. Mais on ne détruit pas une dynamique historique en créant les faux profils. Parce que les faux profils, ça manque de sincérité. Ça manque de consistance. Mais nous savons que c'était une façade pour l'application d'un plan. L'assassinat de certains présidents africains, le renversement du régime malien, l'assassinat du président Touadéra, l'assassinat du président Assimi Goïta, l'assassinat des pays qui sont censés être les épicentres, n'est-ce pas, des postes avant-garde du panafricanisme, y compris au niveau du Cameroun. Il ne vous a pas échappé qu'on a failli assassiner Poutine. C'est une information claire. Tout à fait. Vous voyez donc le grand plan qui était derrière le déploiement, n'est-ce pas, de M. Macron sur le plan stratégique au niveau africain. Oui, c'est pas ça. Il traque l'impérialisme russe. M. Macron n'a aucun moyen de traquer l'impérialisme russe. Il n'a ni les moyens, ni la stature, ni la mentalité pour ça. Mais il comptait donc sur le gros plan, le vaste plan global des Occidentaux dirigés par les États-Unis, qui consistait dans le fait qu'en assassinant Vladimir Poutine, on déstabilisait toute la dynamique, n'est-ce pas, de refondation de l'humanité qui est en cours et dont le panafricanisme est en première ligne. Donc, ces gens on aurait dit, oh, dis donc, il a vu juste, il a prophétisé. Poutine étant assassiné, vous le connaissez. La suite aurait été un carnage au niveau du continent africain. Donc c'est ça aujourd'hui que le discours, n'est-ce pas, du Premier ministre, quand il pose la problématique de la France, dirigée par une junte, n'est-ce pas, par une junte des autorités françaises anti-françaises, oui. Quand il pose cette problématique, il a donné le coup, c'est-à-dire il a détruit, n'est-ce pas, cette stratégie de M. Macron qui nous faisait rire, d'ailleurs même sous cap. De comment? Quand il parle, n'est-ce pas, des autorités françaises anti-françaises, ben c'est la vérité de l'histoire. Quand il parle d'une junte, c'est une junte. La France est dirigée par une junte, c'est une junte militaire. Déguisée, n'est-ce pas, par une mandature civile, prétendument démocratique, qui est ratifiée par des élections tous les 5 ans ou tous les 7 ans, depuis l'arrivée de la 5e République. Pourquoi c'est une junte? Que font les bases militaires françaises en Afrique? Pour m'expliquer quelle est la santé mentale d'un président qui dénonce la présence militaire russe en Afrique et qui s'éteint sur les bases militaires françaises, qui évidemment sont là pour porter la civilisation, pour porter les lumières. Donc, il croit que les Africains sont assez bêtes pour ne pas voir ça. Pour faire la différence entre l'impérialisme, nous savons ce que c'est. La Russie ne peut pas être qualifiée d'un pays impérialiste. M. Macron pense que ce qu'il pense devient la vérité scientifique. son inculture politique l'amène à confondre tout. Et qui peut remplacer la science historique et idéologique, par ses lubies, ses fantasmes géopolitiques. On ne saurait, du point de vue de la science politique, qualifier la Russie d'impérialisme, ce n'est pas possible. C'est l'Occident qui est impérialiste. Du point de vue de la signification scientifique, c'est de cette assertion dans le monde moderne. Tout à fait. Alors, donc, croire qu'on va remplacer ça par la magie de bavardage d'un déréglé, d'un petit criminel, n'est-ce pas, qui siège à l'Élysée, ça fait sourire. Donc, c'est une junte. Parce que la présence militaire française dans les pays africains a été discutée par quel débat au Parlement ? Par qui ? Il y a eu quel débat en France ? Pour justifier la présence des bases militaires, pour décider et légitimer la présence des bases militaires françaises en Afrique, où ? Où ? Quand ? Quand ? Et à partir de là, comment donc peut-on concilier, n'est-ce pas, le fait que la France soit une démocratie et le fait que, n'est-ce pas, elle a les bases militaires en Afrique ? C'est parce qu'on laisse certains jours passer, hein, parce qu'on laisse les gens dire n'importe quoi. On appelle, n'est-ce pas, des empires militaires, démocratie. Bon, maintenant, alors, le débat, débattons. S'il y a quelqu'un à l'Occident qui peut débattre de cette affaire, qu'on me dise ce que ça fait là, on répondra. C'est la civilisation. Maintenant, on dit promotion de la démocratie, avec les bases militaires. Avec les bases militaires, quand l'Égypte enseignait à la Grèce et à Rome la vie, quand l'Égypte antique apprenait à l'Europe, à la Grèce et à Rome, la vie, la civilisation, ce n'est pas les armes. Ils sont venus en Égypte antique apprendre. Ils étaient les derniers. Mais rentrés chez eux, ils sont devenus les premiers. Tellement ça rayonnait là-bas. C'est quoi cette démocratie qu'on impose par les armes ? La présence militaire française en Afrique sert à quoi ? On a vu à quoi ça sert dans le cas, si on prend le cas du Mali. Mais c'est comme ça, depuis que la France est présente en Afrique. La prédation, le vol, le pillage, organiser les guerres, massacrer les populations. En tout cas, sur cet aspect, le Premier ministre malien a placé pratiquement le Conseil de sécurité face à ses propres responsabilités. Je vous dis, il a d'ailleurs dit, oui. On va arriver par là. Nous voulons démontrer que le discours, ce qu'il dit, ce n'est pas un jeu. Quand le Premier ministre dit qu'on a fait à une junte en France, ce n'est pas de la rhétorique. Les faits le démontrent. Sauf pour ceux qui ont porté les lunettes, n'est-ce pas, de l'idéologie démocratique, pour se mentir et croire qu'on est dirigé par Paris, qu'on est dans une démocratie en France. Vous comprenez? Donc, l'entreprise coloniale française, l'esclavage, le néocolonialisme, sont de l'obscurantisme, d'après même les propres thèses françaises. Mais comment donc faire pour qu'un pays qui dit qu'il est attaché aux Lumières, qu'il est le représentant des Lumières, que son histoire se conforme à la Lumière et le droit de l'homme, peut être, c'est-à-dire, l'agent par excellence de la négation de ses droits, justement, n'est-ce pas, dans les pays, n'est-ce pas, qu'elle a soumis par la violence et la force. C'est l'obscurantisme. Donc, on a affaire à une junte. Je laisse de côté, à l'heure actuelle en France, des milliers de Français demandent sa destitution, à l'heure actuelle. Comment ils répondent à ça? Quand on ne tire pas sur les Français, on dresse des contre-manifestations, comme même plus par derrière, qui se traduisent par la violence, dans une violence extrême. Mais on ne verra pas la police, parce que depuis les Gilets jaunes, ils ont changé de méthode. C'est-à-dire qu'ils créent des fausses contre-manifestations ou des éléments de violence qui sont pour la plupart tirés dans certains banlieues et tout. On les met en avant, n'est-ce pas ? Il transforme les manifestations en violence. Et du coup, on discrédite ceci. Vous savez qui faisait ça en Allemagne à l'époque ? Il s'appelait Hitler. C'est Hitler qui faisait ça. On appelle ça l'art de briser les grèves à l'époque. L'art de briser les manifestations à l'époque. Est-ce qu'un État, est-ce que ce sont des pratiques d'un État démocratique, ça ? Pour prendre seulement le cas, l'espèce. Donc, pour dire quoi ? Il faut être une junte militaire pour venir dans un pays qui ne vous appartient pas. Inventer les terroristes, les fabriquer, les nourrir, les entretenir, les armer. Et à partir de là, nier la souveraineté de ce pays, y allumer le feu et se présenter, mon cher ami, en défenseur de la démocratie. Et dire que nous, on aime tellement ce pays, plus que ses habitants. C'est-à-dire que qu'on peut sauver le Mali, c'est-à-dire que M. Macron aime tellement le Mali et les Maliens que les Maliens eux-mêmes. Mmh. Et que pour histoire, pour une fois, il va sauver un pays malgré ce pays-là lui-même. Mmh. Mais attends, c'est un dérèglement mental extrêmement absolu. Donc pour dire que quoi, voilà pourquoi il dit les autorités françaises, anti-françaises, parce que l'acte fondateur de la France moderne, parlons comme ça, sa déclaration du 1789 relative aux droits de l'homme et du citoyen. C'est ça qu'on nous vend matin, midi, soir, pour donner à la France, n'est-ce pas, une préséance en matière de civilisation dans le monde, une préséance qui l'autorise, n'est-ce pas, à aller civiliser les gens ailleurs, à se présenter comme, n'est-ce pas, une lumière pour le monde. Le premier ministre malien, n'est-ce pas, met donc face, n'est-ce pas, à ces lumières prétendument essentielles, n'est-ce pas, étant l'essence de la France, il met en face les axes de l'État français actuel. Et quand on fait le parallèle, quand on est sérieux, on arrive à sa conclusion. On a affaire à des autorités françaises anti-françaises. Deuxièmement, on a affaire à une jeune parce que c'est un État militaire. C'est une puissance militaire qui impose des bases militaires partout, sans l'avis des peuples, au détriment, n'est-ce pas, des droits des peuples à décider d'eux-mêmes, au détriment de leur souveraineté. Elle impose des bases militaires. Elle assassine les présidents. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la politique d'assassiner les dirigeants africains que la France considère comme hostiles est une politique de l'État français? Vous savez que c'est au niveau d'une politique et d'une stratégie diplomatique. Allez voir comment l'assassinat du président Touadéra a échappé. Je laisse tous les présidents que la France a assassinés. Je laisse Kadhafi, le cas de Kadhafi. Je laisse ce qui est arrivé à Gbagbo. Dites-moi comment on appelle un État qui a pour politique officielle, qui a pour stratégie d'État l'assassinat des autres présidents quand ceux-ci sont en désaccord avec lui. C'est pire qu'une junte. C'est un État terroriste. C'est un État criminel. C'est même pire qu'une junte, mon cher ami. Donc le président là, le premier ministre, n'est pas de la raconter des histoires. Et nous sommes très fiers que, n'est-ce pas, un nouveau vocabulaire ait été introduit à ce niveau-là pour qualifier la France. Une junte. La France est une junte. La junte française. Nous, on ajoute criminel. Alors, quand j'ai fini ça, laissez-moi prendre rapidement quelques cas. Le cas Ouattara, je voudrais y revenir. Il y a un débat que moi, je ne fais plus. Lequel président va d'accord? Nous avons suffisamment travaillé pour démontrer qui était Ouattara. Mmh. Ça vous a coûté cher, mais ça a payé parce que les gens ne veulent pas comprendre. Mmh. Dans le débat aujourd'hui, il faut arrêter de se mentir. Quand quelqu'un... C'est vrai que l'organisateur me fait savoir que nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Même je clôture. Oui, je clôture. Oh, quand quelqu'un, n'est-ce pas, prend celui d'être l'ennemi d'un continent, que fait ce continent? On le met hors d'état de nuit. Les 10 fils du continent se réunissent et le mettent hors d'état de nuit. C'est assez le comportement de M. Ouattara, petit valet de Paris. C'est assez. Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, un pas qu'on a franchi. Pour que désormais, on comprenne que désormais, c'est dans l'ordre des choses que des dignes dirigeants africains mettent en place une alliance digne de son nom. Comme le fait M. Macron, comme le font les Occidentaux avec les Ouattara, les Bazoum, tous ces vauriens-là, mettent sur pied une alliance politico-militaire pour en finir avec M. Ouattara. Parce qu'en finissant avec M. Ouattara, on finit avec la France et leurs complices. C'est de cela qu'il s'agit. Donc le défi aujourd'hui au niveau du panafricanisme, c'est celui-là. Parce qu'il faut en finir avec la position défensive. Il faut passer à l'offensive géopolitique. C'est ce qu'ils font. Tout le monde sait que c'est M. Macron qui a... Cette histoire de CEDEAO à New York, c'est M. Macron. Quel Africain aujourd'hui peut considérer le CEDEAO comme une institution? Quel Africain? C'est la honte du continent africain. C'est la honte. C'est une organisation, c'est-à-dire que c'est pas possible ça. C'est-à-dire que c'est une organisation qui est consacrée à la vente et la trahison du continent africain. Mesdames, Badakane, je ne voudrais pas vous couper. Le réalisateur nous propose une attitude du président Macron aux Africains. Je pense que c'est par là que nous reviendrons pour prendre une minute pour sortir cette émission. Alors, si c'est prêt de l'autre côté de la réalisation, est-ce que vous pouvez vous faire suivre cette attitude du président français aux Africains? De travail au consulat de France sur la 5e avenue. Il accueille le président ivoirien, Alassane Ouattara. Il y a déjà le président argentin qui est là, Charles-Michel, le ministre égyptien, je crois qu'il y a un ministre indien, on y va. Il y en a un peu de guider. Merci, Alassane. Bienvenue, monsieur. Vous allez bien ? Bienvenue à vous. Des dirigeants d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Et certains invités ont un peu de retard. Ah, c'est lui. C'est le cas du président sénégalais Macky Sall. Allô, Macky ? Mais je t'en prie, non, mais c'est bien, t'as bien tout, t'es sur ton chemin, t'as besoin de... Tu es où ? Pour évaluer le retard du président sénégalais, Emmanuel Macron va se tourner vers l'ambassadeur de France à Washington, Philippe Etienne. 59e rue. On est où ici ? T'es sur la 59e. Donc il est sur la route. On va poser, on va le dire au police. Bon, et alors, le chef du protocole va t'accueillir au consulat, on t'attend là-haut. Les autres sont là. Donc, c'est cette ambiance-là, ça se passe à New York, le président Macron qui reçoit comme ça des chefs d'État africains à marge de l'Assemblée générale. Et ça se passe à l'ambassade de la France à New York. Alors, c'était juste peut-être pour ajouter un peu de l'eau à votre de moulin. C'est évident. C'est la chienne couchante de la diplomatie française. Je dis bien chienne couchante de la diplomatie française. Mmh. Et des présidents qui se jouent à ce jeu ne peuvent être considérés comme des présidents africains. Il y a un temps, il faut être sérieux. Un continent sérieux s'organise pour se débarrasser de dirigeants et de dirigeants, n'est-ce pas, et des institutions qui se comportent, n'est-ce pas, comme des ennemis du continent. C'est la moindre des choses. En Europe, c'est ce qu'on fait. Aux États-Unis, c'est ce qu'on fait. Et le temps de sortir, voilà. Je suis donc en disant que un des éléments majeurs de ce discours, de mon point de vue, c'est quand le Premier ministre a dit que l'aménagement doit changer de paradigme. Oui. Vous vous rappelez, non ? Tout à fait, il a changement dit. Changement de paradigme. En fait, ça concerne toutes les missions de maintien de paix des Nations Unies. Mm. Ça veut dire quoi ? On nous autorise à dire ceci. Pour que désormais, des missions de paix aient la moindre légitimité dans les pays africains, il faut qu'elles soient placées sous le commandement du pays qui les accueille. C'est la moindre des choses. Donc, je traduis de façon concrète ce qu'on entend par changement de paradigme dont parle le premier ministre. C'est la bataille que le Mali mène. Le Mali dit que, mais comment ? Vous ne pouvez pas être chez nous et vos opérations nous échappent. Vous faites ce que vous voulez parce que vous appelez MINUSCA. De merde ! Alors, vous appelez machin de l'ONU. Les missions de paix, quand on parle de changement de paradigme, ça veut dire que c'est simple, c'est pas compliqué. C'est que désormais, les missions de maintien de la paix dans un pays doivent être sous le contrôle du gouvernement du pays autre, de ce pays. C'est la moindre des choses. Sinon, n'est-ce pas, ça veut dire que c'est que les Africains, depuis longtemps, refusent de voir. L'ONU est une organisation coloniale, impérialiste, criminelle, qui ne sert pas et ne servira jamais les intérêts des pays africains. Je fais la différence entre l'ONU et les membres qui constituent l'ONU. D'où le temps, comme le Premier ministre l'a dit, de revoir les copies, les modèles, les logiciels, le temps de sortie du passé colonial. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous voudrions bien vous dire merci pour votre bienveillante attention. Nous partirons pas sans dire merci à Issa Diawara qui était avec nous en multiplex. Merci également à vous, Isaac Kofi. Merci à vous, madame Fofana Amina. Et merci énormément à vous, président Badakani. D'accord. D'accord. Vous rentrez toujours avec le bon cœur, voilà. Ben, je vous ai dit que c'était un très grand jour. Un très grand jour pour nous. N'est-ce pas ? Je salue tous ceux qui, de près de loin, Kofi, Amina, Diawara et tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce plateau historique. Évidemment, un chapeau particulier pour Monsieur le Premier ministre. Merci à vous, Président Badakani. Mesdames, Messieurs, merci également pour tout le temps que vous avez pris pour regarder cette émission. À toute l'équipe technique, merci, conduite ce soir par Carlos. Bonsoir et que Dieu bénisse et préserve l'Afrique. Madame, Monsieur, je suis Aboubacar Sidik Mouchili. J'ai eu tout le plaisir à vous proposer cette émission d'édition spéciale. Bonjour et bonsoir.